Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Vous avez donc fait un voyage de plus, enfin quasiment 26 heures. Et oui, ça fait long. C'est long de quitter la Terre pour arriver jusqu'au chantier naval, enfin spatial plutôt. 26 heures, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes le 2 janvier 2095. Au moment où le conteneur a cessé d'avancer, la porte où vous étiez entré s'est ouverte et une personne en tenue de cosmonaute s'est présentée et vous a prestement dit que c'était le moment pour vous, les petites princesses, eh bien, de sortir de votre carrosse et de prendre le chemin de l'Esperanza 70. Plusieurs personnes ont pris sa suite. Et vous voyez qu'ils n'étaient pas seuls, ils étaient 3 personnes. Ils commencent à rentrer à l'intérieur et commencent à vous enlever les diverses attaches qui vous maintenaient sur vos sièges. Et vous... Finalement, vous pouvez vous mettre en position droite et tout de suite, eh bien, la pesanteur est là. Hein, vous êtes en gravité zéro. Donc, vous sentez léviter dans le conteneur. Alors, pour certains, eh bien, c'est la première fois, même si vous... Enfin, vous avez eu des semblants d'exercice en gravité zéro, mais vous vous rendez compte que c'est quand même assez différent de ce que vous avez connu quand vous étiez sur Terre. Vous vous sentez vraiment léger comme jamais. C'est grisant comme expérience. Vous allez me faire, s'il vous plaît, un petit jet de constitution pour savoir déjà dans quel état de fatigue que l'état physique vous êtes à ce moment-là. C'est un D20, ça, non? Oui, c'est les caractéristiques principales, donc oui. Okay. J'ai fait 14 sur 12. Okay. Ah ouais, donc ok. Du coup, c'est raté, du coup j'ai fait 19, dommage. Je suis pas content. Alors, donc on a eu savoir le meilleur du meilleur. Voilà, et on a le... Le... Tu nous l'as fait, René? Je t'ai dit 5. Ah, 5, d'accord. Donc, comme tu ne l'avais pas écrit, je ne l'avais pas vu. Donc, nous avons Olivia. Olivia, tu te sens plutôt bien. A priori, tu as profité quand même du voyage pour te reposer, essayer de dormir un tant soit peu. Et tu t'es rendu compte que, malgré tout, tu es quelqu'un qui ne prend pas forcément toujours le temps de se reposer, de prendre soin d'elle au niveau du sommeil et tout, parce que tu es toujours en train de bosser. Et là, tu n'as pas eu le choix. Et finalement, ça t'a fait un bien fou. Et tu as vraiment dormi et profité et relaxé. Nous avons Richard. Richard, c'est un peu pareil. Bon, tu as profité quand même du voyage pour te reposer. C'est pas la forme de ta vie, mais bon, ça va. C'est plutôt, t'es plutôt tranquille. Il en va de même pour René. De toute façon, René, toi, les conditions pour dormir, tu dors dans n'importe quelle position. Hein. T'es habitué. Ça peut être sur la terre, dans la flotte, partout, tu dors n'importe comment, même dans un sac poubelle, tu dors. Donc, on voit, il n'y a pas de problème. Ah oui, hein, les militaires, c'est ça, on apprend à dormir dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle condition. Par contre, pour Wade et surtout pour London, le voyage s'est pas super bien passé. Wade... c'est pas forcément le voyage en lui-même qui t'a posé des problèmes, c'est plus la discussion que t'as eue avec la psychologue qui t'a fait mariner, qui t'a fait cogiter. Ce qu'elle t'a dit par rapport à ta sœur, ça te stresse quand même. Tu te dis merde, est-ce qu'elle va être là vraiment ou est-ce que, enfin, c'est du coup t'as très mal dormi, c'était beaucoup de stress et voilà, tu sais pas ce qui va t'attendre sur le vaisseau et t'as peur qu'elle soit pas là. Donc ça t'a pas aidé à te reposer. London, ça a été peut-être la pire nuit de ta vie, enfin le pire voyage de ta vie. Tu te rends compte que réellement tu vas quitter ta famille, même si t'as discuté, t'as mis les choses à plat, tout ça, avec eux, que tu es sûr de ce que tu veux faire. Mais là, ce voyage et tout ce que t'as vu, la montée, le voyage en ascenseur spatial, ça te rattrape, en fait. T'as quasiment pas dormi du tout. T'as des yeux explosés. T'es dans un état de fatigue de très avancé. Alors, étant donné que c'est un peu ton job, t'es médecin et psychologue à la fois, tu sais que t'es dans un état assez déplorable au niveau du physique, hein, et mental. Mais bon, voilà, tu vas devoir faire avec. Hein. T'as pas le choix. Tu verras bien ce qui va se passer pour toi sur le vaisseau. Vous commencez un petit peu à vous dérouiller, hein, si je peux dire, vous avez des mouvements un petit peu pour décongestionner les muscles et tout ça, parce que 26 heures de position allongée, c'est quand même pas simple. Et vous finissez tous, à un moment, par tourner la tête en direction de la grande baie vitrée du conteneur. Pendant que les trois personnes commencent à décrocher les autres personnes du conteneur. Et vous tombez nez à nez avec l'Esperanza 70. Alors, c'est une structure gigantesque. Hein. Franchement, il faut imaginer allez, le croiseur interstellaire de... Arrêtez de bouger les trucs. S'il vous plaît. Le croiseur interstellaire de Star Wars, hein, le machin immense. Et donc, pour vous expliquer un petit peu, dès que j'aurai retrouvé mon descriptif, parce que bien sûr, je ne connais pas par cœur. Hein, c'est un tort, oui, je le sais. Alors, l'Esperanza, il est où ? Il est là. Alors, il faut vous imaginer un vaisseau qui fait 1050 mètres de long, donc 1 km, c'est énorme, de coque et booster compris. Il fait 300 mètres de large et à peu près 360 mètres de haut. En gros, il faut compter le poids complet hein, de la bête. C'est 2 680 000 tonnes à pleine charge, dont 2 millions qui sont consacrés uniquement aux caissons de cryogénisation. Vous avez donc deux réacteurs qui sont sur les côtés. Donc, vous devez les voir normalement sur ce que je vous ai proposé. Moi, je vais avancer aussi parce que sinon, je ne les vois pas. Voilà. Et vous avez aussi trois boosters à ergol de 450 mètres de long et 60 mètres de diamètre. Vous voyez le pont où sont positionnées la tour de communication, un grand bras manipulateur qui sert à pouvoir déplacer des choses quasiment sur toute la surface de pont du vaisseau. Vous avez des entrepôts de stockage, pardon. Il y a aussi des citernes d'eau, une citerne d'hydrogène et d'azote. Vous voyez aussi un pont d'envol et des hangars pour des navettes qui seront à disposition plus tard. Vous pouvez aussi apercevoir un télescope. Un grand télescope. Vous avez aussi des panneaux solaires qui recouvrent toute la surface du pont pour toute l'énergie. Vous avez aussi une centrale nucléaire à hydrogène. Voilà. Donc en gros, c'est un vaisseau qui est gigantesque. Et vous voyez aussi un grand quartier d'équipage. C'est une roue de 300 mètres de diamètre qui fait 40 mètres d'épaisseur. Et c'est ici que vous allez passer beaucoup de temps. parce que c'est là où se trouvent les quartiers d'équipage, les espaces de vie de tous les membres d'équipage. Donc, on vous fait avancer et vous retrouvez en dehors du conteneur. Vous arrivez en gros sur un petit promontoire et là, un à un, on vous accroche un mousqueton et des sangles sur vous et vous voyez qu'il y a un long câble, une longue ligne qui est en suspension devant vous. Et 10 personnes vont être amenées. Enfin, il va y avoir des groupes de 10 personnes qui vont être amenées à chaque fois. Vous avancez, vous suivez une des personnes qui était avec vous. Et vous le voyez littéralement se jeter dans l'espace, accroché à cette ligne, à ce grand câble. Et elle vous demande de la suivre. Donc, un à un, vous vous jetez. Voilà, c'est le grand moment. Vous retrouvez à errer dans l'espace, retenu par rien du tout. Ce simple câble vous retient à la vie, finalement. Et ça vous emmène, en gros, vous rapprochez petit à petit du vaisseau. Et on vous pousse avec des espèces de petits réacteurs, enfin des petites Vous savez, les... comment dire ça, c'est une espèce de d'air comprimé qui vous envoie des petits jets et, pch, pch, pch, et ça vous emmène. Ouais, un jetpack quoi. Ouais, comme un jetpack, voilà. Et vous faites, pour aller quasiment, je sais pas, pendant 10 minutes, vous êtes en suspension et vous arrivez sur une autre petite plateforme qui, elle, se trouve au niveau de la grande roue, au niveau de l'axe principal, l'axe de rotation. Hop. Et vous avez une petite porte, un petit sas que le gars commence à défaire et vous rentrez à l'intérieur. Vous êtes toujours en gravité. Et quand vous rentrez à l'intérieur, vous voyez qu'il y a deux personnes qui vous attendent. Et une fois que vous êtes toutes rentrées, ils referment. La salle se dépressurise et on vous demande d'enlever vos casques. Donc vous défaites tout ça. Vous pouvez enfin respirer. Vous êtes pris au nez par une odeur terrible. Parce que, en gros, toutes les odeurs conjuguées de toutes les personnes qui étaient qui sont avec vous, qui ont macéré pendant 26 heures dans cette combinaison, du coup, ça se libère. Et vous avez une odeur très forte de senteur humaine. Et on vous demande, vous voyez une trappe au sol, et la femme qui est devant vous vous demande de vous dessaper complètement et de prendre la trappe. Et en gros, c'est, vous devinez que c'est une espèce de toboggan. Vous mettez vos affaires, vous accrochez vos combinaisons dans un truc dédié pour pas qu'elles se baladent un peu partout. Et un à un, vous rentrez dans ce tube. Alors au début, vous êtes obligé un petit peu de vous aider des parois pour descendre, puisque étant donné que vous êtes en gravité zéro, vous auriez tendance à l'éviter. Donc vous êtes obligé un petit peu au départ de vous aider avec les parois du tube pour rentrer à l'intérieur. Et vous sentez petit à petit que l'attraction commence à vous prendre. Et au moment donné, vous commencez vraiment à glisser à une vitesse prodigieuse. Alors la paroi est souple, hein, c'est pas quelque chose de rigide, hein, vous pouvez pas vous assommer en tombant. Donc vous commencez à descendre dans ce tube. Et vous finissez par débouler dans une pièce ronde. Il y a deux femmes qui vous attendent et qui vous demandent de foutre à poil, littéralement. Donc, jetez vos affaires dans les bacs qui sont par ici, s'il vous plaît. Donc, qui se sentirait gêné, qui se sent gêné par rapport à ça? Dites-le moi. Vous en foutez complètement, c'est pas un problème pour vous. Moi, je suis gêné. Aucun souci. Bon, vous voyez, René, lui, il se dessape, no soucis, il se retrouve à poil et il attend les instructions. Ah, moi, j'y vais en dernier, hein, clairement. Y a pas une salle pour se changer, là? Elle est là. Avec des Donc, murs, une cabine. Ici, c'est pas un club de vacances, monsieur. On est dans un vaisseau qui s'apprête à voyager très loin. On ne peut pas se permettre de faire des cabines. Vous savez, Richard, que la pudeur est bien souvent un symptôme révélateur d'un désir profond et caché. Êtes-vous en phase avec vous-même? Bon, mais de quoi je me mêle? Qu'est-ce que vous me racontez là? Occupez-vous de vos oignons là déjà. Ouais, vous avez raison. De toute façon, j'ai trop mal commencé cette journée pour me prendre la tête avec des conneries. Et moi, je me dessape et je leur file mes affaires. En me tenant la tête. Ouais, moi. Un désir caché, ouais. Et puis quoi encore? Complètement. Enfin bon, de toute façon, on n'a pas beaucoup de temps là. Il faut y aller. Le groupe suivant va pas tarder à arriver. Donc, foutez vos affaires là-bas. Ensuite, vous irez dans le couloir qui est juste au bout là de la pièce. Là-bas, vous trouverez des douches. Alors, les douches, c'est simple. Hein. Vous avez 30 secondes pour vous humidifier, vous mouiller. Vous avez, allez, quoi, 3 minutes pour vous savonner et 3 minutes pour vous rincer. Après, c'est terminé. Elle s'arrêtera automatiquement. On a une gestion de l'eau ici. L'eau est une denrée rare dans l'espace. On va essayer. On est obligé de rationner. Donc c'est 6 minutes 30 de douche et après ça s'arrête. Hein. Donc si vous n'avez pas fini, tant pis pour vous. Y en a pour combien d'années d'eau ? Écoutez, je ne suis pas le préposé à l'eau. Tout ce que je sais, c'est que vous avez 6 minutes 30 et pas une de plus. Donc allez, pop, on y va. Donc on vous pousse rapidement vers les douches et effectivement vous vous retrouvez 10 personnes devant chacun une douche. Alors de la même manière que vous étiez à poil tous ensemble dans la même pièce, les douches c'est la même chose, hein. Il n'y a pas de parois pour vous départager, vous êtes vraiment en ligne droite, les uns à côté des autres. Il y a 10 petits culs qui font face à une douche. Et effectivement, vous avez 30 secondes pour vous mouiller, 3 minutes pour vous savonner et 3 minutes pour vous rincer. Alors, est-ce que y en a qui veulent jouer et essayer de gratter ou pas? Moi je veux gratter, moi. Non, moi, je veux gratter. Moi je gratte. Moi je gratte pas, je me douche comme je peux. En fait, je fais tout en même temps. Au lieu de faire les minutages comme ils ont dit, je fais tout en même temps. Comme ça, je perds pas de temps. D'accord, bon, en gros, franchement, pour ceux qui auraient l'idée de tourner la tête et perdre du temps à regarder René se laver. Ouais, c'est mon cas. Eh bien, il fait tout en même temps. Là, c'est mouillage, shampouinage, rinçage. Voilà. Vous remarquez que l'eau est quand même tiède. Elle est vraiment à bonne température pour vous. Oui. C'est quoi qu'on nous donne ? C'est du shampoing en dose ou c'est du savon dur ? Alors, en gros, c'est des blocs un peu comme dans les toilettes. Tu sais, là, tu pousses comme ça avec ta main et ça tombe, une espèce de mousse qui tombe dans ta main. Et après, tu fais ça. Ok. Et donc, ça fait autant douche que shampoing. Tu fais tout avec. Hein. Il n'y a pas le shampoing et le gel douche. C'est vraiment, tu fais tout avec. C'est spartiate. En même temps, c'est l'espace, hein. Genre, quand vous regardez la station spatiale internationale, c'est pas voilà, c'est pas grand luxe, hein. Je pense que la touche, c'est comme ça. Et, bon voilà, donc il faut imaginer quand même quelque chose de très spartiate. Vous êtes quasiment collés les uns sur les autres dans la longueur et vous devez vous. Ah, voilà. Donc, pour ceux qui jouent un petit peu, eh bien, du coup, toi, Wade, qui a essayé de jouer, tu as 6 minutes 30 pour tout faire. Explique-moi un petit peu quel est le process que tu veux faire. On va voir un petit peu comment tu gères ta douche. Moi, eh bien, c'est simple. Je vais tout ce qui est à faire, genre en dehors de juste profiter qu'il y a de l'eau qui tombe et tout ça. Je vais le faire en 3 secondes, peu importe, genre rien à faire de vraiment de l'hygiène qu'il y a pour le moment. Parce que je sais que c'est sûrement ma dernière douche avant d'être véritablement mort dans l'espace. Donc je rien à foutre. Et dès que je peux, je mets de l'eau et j'essaye d'y rester. Et je pense que du coup, avec le. Comment on appelle ça ? L'avance que j'ai, à partir du moment où j'ai plus d'eau. Mon eau se termine forcément avant que les autres aient terminé la leur, et du coup je vais peut-être me décaler un petit peu et profiter un peu de l'eau de quelqu'un d'autre une fois que la mienne est terminée. Ok, alors attends, je vais le jeter un D8. Non. Quoi ? Alors, c'est-à-dire que moi, je vais faire une douche express et très rapide. Et quand je vais voir ça, je lui fais... Enfin, est-ce qu'il est... Il est là, la personne qui nous accueillit ou pas? Ah non, non, là, en gros, vous avez... Y a plus personne avec vous. Vous êtes parti dans un couloir et voilà. Ok. Ok, je donne le reste de mon eau à une personne, mais elle me devra quelque chose. Alors, je vais juste voir à côté de qui se trouve Wade. Juste pour savoir la personne qui est tout de suite accolée à... Alors, je vais partir du principe que c'est un D8, donc 1, 2, ce sera René. Mais... 3, mais 4, moi, je l'ai dit, hein. ce sera London. 5, 6, ce sera Olivia. Et 7, 8, eh bien, ce sera notre cher ami Richard. Mais moi, je le crie. Hein. Là, ce que je viens de dire, c'est pas juste mon intention. Je dis, j'offre le reste de ma douche à quiconque le veut, mais il me donnera quelque chose en échange. D'accord, d'accord. Bah écoute, volontaire. En tout cas, volontaire. Et voilà. Voilà. Ok. Et ben, du coup, tu vois, tu vas voir ton futur copain Richard, parce que finalement vous êtes pote de douche. Ouais, pote de douche. Alors, est-ce que tu restes à côté de lui quand il se met dans la douche? Ou alors vraiment tu t'en vas non. Et tu lui laisses la douche? Non, par contre, non. Non, certes. Non, non, je vais me mettre très loin de lui. Je vais me mettre à la sortie. Pas à côté, non. Oh, on sait jamais. Tu veux lui savonner le dos, j'en sais pas. Enfin, voilà. Donc, non. Tu as la possibilité, du coup, mon cher Wade, de profiter des 30 dernières secondes de la douche. De Richard. Oui, Richard qui commence finalement lui à partir dans le couloir pour la suite du périple. Pendant ce temps-là, ben Richard, tu croises René qui avait déjà lui terminé et qui se dirige sans même avoir un regard pour toi dans le couloir. Olivia, ça se passe comment pour toi? Tu profites, essaies de profiter un maximum de la douche. Moi, je suis là vraiment pour suivre le protocole. Donc, okay. Les 30 secondes, c'est 30 secondes. Les 2 minutes 30 après, c'est pareil. Moi, je suis le protocole. Ouais, d'accord. Donc, ton esprit cartésien et mathématique prend le dessus et tu respectes exactement la procédure à la lettre. Dans le minutage près, c'est-à-dire que tu finis de te rincer, la douche se stoppe instantanément. Totalement. Et donc tu suis le chemin et tu es rejoint peu de temps après par London. Vous voyez, quand vous quittez la pièce, il n'y a que Wade qui continue à profiter des dernières onces d'eau qui tombent sur lui. et vous déboulez du coup dans une autre pièce complètement blanche. Une personne vous accueille encore une fois et attends, parce que j'ai fait une connerie sur voilà. Complètement blanche et elle vous dit bah écoutez bon, maintenant que vous avez terminé, vous pouvez vous essuyer avec donc les serviettes qui sont là. Et ensuite, prenez la porte. Ça vous amènera du coup à l'endroit pour récupérer les affaires dont vous... Enfin, votre package, en gros, de fringues pour le vaisseau, en fait. Donc, vous essuyez rapidement. Au moment où vous quittez tous la pièce, Wade arrive, lui, tout trempé. Et... commence à lui se sécher. Vous passez la porte. Alors, ce sont tous des portes qui s'ouvrent automatiquement à l'approche. Hein, quand vous voyez quand vous arrivez, elles coulissent naturellement. Et quand vous passez cette porte, eh bien, vous arrivez dans un corridor, dans un couloir où donc nu évidemment et pour ceux qui, enfin, René À la limite, peut-être lui, il n'aura aucun souci par rapport à ça. Mais vous vous rendez compte que vous êtes arrivé dans une des coursives principales du vaisseau. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui sont arrivés avant vous et un bon paquet, qui sont en train de faire leur vie. Ils sont déjà en tenue, ils ont l'uniforme du vaisseau. Et ils vous voient sortir à poil. Alors certains, vous voyez que certains ont le sourire un peu aux lèvres, ou ils chuchotent un petit peu. Alors, ils sont tous, tout le monde est passé par là. Hein. Vous avez un petit peu cette impression de connaître un peu le bizutage du vaisseau, la petite épreuve de bienvenue. Donc certains vous ignorent totalement, d'autres vous regardent un peu avec le sourire aux lèvres, ça fait bref. Bon, pour ceux qui sont peut-être très pudiques, vous allez peut-être vous cacher un petit peu, mais vous êtes obligé d'avancer pieds nus. Moi je leur souris, mais pas dans le sourire en mode ah c'est ça va bien, c'est genre le sourire le même que quand quelqu'un te regarde trop longtemps dans la rue, du coup tu lui dis bonjour, tu vois, genre. Ah ben autant il y en a qui vont clairement te dire bonjour, mais franchement sans arrière-pensée, rien, comme si pour la nudité pour eux ça n'a pas de problème et ils auraient pu être nus aussi, ça posait pas de soucis. T'en as d'autres qui vont être peut-être gênés de voir que tu vois que tu vois, et donc ils vont te faire bonjour et tourner la tête, genre ils vont passer à autre chose. Et mais vous déambulez du coup dans ce corridor. Et vous arrivez contre, dans le hall principal. Par contre, oui. Juste, est-ce qu'on a moyen de choper une serviette, un pagne? Rien du tout. Vous n'avez absolument rien du tout. On vous a dit de suivre. Vraiment, vraiment. Même si, imagine, là, je suis en train de paniquer. Est-ce que je peux trouver n'importe quoi pour me cacher? Après, tu peux toujours essayer d'aller dans une salle annexe. Il y a plein de portes. En fait, quand tu marches, il y a plein de portes sur les côtés. Tu peux toujours essayer de voir si tu peux pas choper quelque chose. Mais là... Ouais, de ouf. Vas-y, j'essaye. Ah, attends, tiens, je vais essayer, je vais aller dans une salle, essayer de trouver une serviette, je sais pas. Et on l'a perdu, il va se perdre dans le vaisseau, on le retrouvera jamais, le vaisseau il fait la taille de la France, on sait pas. Tu sais, je sais pas, il y a des enfants, je vais finir dans l'école primaire sans le vouloir là. Ok. On dirait le nouveau professeur de maths, c'est ça. Alors attends, je vais faire un jet, tiens, on va faire un D6. Et en fonction des chiffres que j'aurais choisi, tu vas arriver dans des pièces différentes. Ah, ok. Tu prends quasiment la première pièce que tu vois. Tu cherches pas à comprendre, t'es tellement mal à l'aise, t'es tout rouge, tu sais pas où te mettre. Alors t'as les mains vues comme ça pour cacher ce que tu peux cacher. Et tu te pointes devant une porte, la porte s'ouvre. Et finalement, quand tu rentres à l'intérieur, t'arrives devant et tu vois plein de gens assis. Genre plein de gens assis à des tables. Et tu remarques qu'ils ont tous un genre comme un verre, genre une bière ou un truc dans le genre, tu vois. Donc très vite, tu te rends compte que tu viens de débouler dans une petite cafette ou... Et les gens qui écoutent la musique, il y en a qui a des écrans où il y a des films qui passent. Et tout le monde tourne la tête et te voit rentrer à poil. T'as un serveur qui a le, tu sais, son petit torchon sur l'épaule, et qui te regarde en rigolant avec le sourire en coin. Vous voulez boire quelque chose? Je lui prends son torchon, je me casse. Hey! Et tu vois que il va pas t'emmerder, lui ça le fait marrer. Tu lui chopes son truc, tu te mets enfin avec la chance que t'as, ça t'entoure presque. Il y a juste un petit bout, tu sais, qui manque. Donc c'est à toi de savoir quel endroit tu vas le mettre, ce petit bout qui ne ferme pas. Et tu refinis dans le couloir, donc tes camarades, eux, ont avancé, à part Wade t'a peut-être rattrapé, il est peut-être à côté de toi en train de te regarder sortir de ce bar. Et donc vous continuez et vous arrivez finalement dans le hall principal. C'est là où tu voyais, il y a plein de petits restaurants, des salles de repos, il y a un cinéma. Vous avez, c'est vraiment l'endroit le plus vaste du quartier d'équipage, là où tous les loisirs sont présents. Et vous voyez un logo une espèce de truc qui clignote. Et vous vous souvenez que c'était là qu'on vous avait demandé de vous renier, puisque c'est le quartier où on alloue les équipements, les tenues. Donc vous vous rendez assez rapidement pour certains. René, je pense que lui, il n'a même pas cherché, il a tracé assez rapidement. Je vais, sereinement, sans une serviette et la teub à l'air, j'imagine bien la scène, tu mates personne, tu vas juste là où on t'a demandé d'aller, et ça s'arrête là. Vous arrivez devant un comptoir, il y a 2-3 personnes de l'autre côté, et à votre tenue d'Adam, on devine tous facilement d'où vous venez. Et t'as une personne qui vous dit, bon, voilà, sur le côté à droite, là, vous avez toutes les tailles. Vous avez juste à prendre un paquet de chaque élément, c'est-à-dire pantalon, veste, chemise, sous-vêtements, tout ça. Vous choisissez le truc à votre taille. Vous pourrez vous diriger vers vos cabines. Donc, il y a un grand panneau. Avec plein de noms, donc les arrivées du jour, et vous aurez juste, vous cherchez votre nom, et vous avez en face la cabine et l'endroit où vous devez vous rendre. Donc chacun chope les fringues. Je vais prendre mes fringues, mais très vite aller sur la liste et genre éplucher toute la liste pour voir si du coup il y a le nom de ma sœur qui est quelque part par là. Alors ce sont les arrivées du jour, donc. Ouais, mais je cherche quand même, genre je prends tout. Alors. Pendant que vous êtes en train de vous équiper, vous voyez ce gars-là qui est devant vous et qui vous empêche de regarder là où vous êtes parce qu'il prend vraiment toute la place. Genre, vous voyez que vous ne voyez pas regarder parce que c'est brouillon, il est là. Et alors, est-ce que tu as pris le temps... En plus, il est à poil. Est-ce que tu as pris le temps de t'habiller avant de faire ça? Non. Non, dès que j'ai vu qu'il y avait des noms, j'ai foncé dessus. Vous voyez un gars à poil qui est devant le panneau et en gros, vous ne pouvez pas avoir accès à la liste. Mais lui toque. Attends, j'en profite. Je le touche l'épaule. Non, j'en profite. Alors attends. Je vais prendre. Est-ce que. Oui, vas-y, je t'écoute. Richard. Plus discrètement, je vais prendre plusieurs paquets de vêtements. Alors, on va voir si tu vas réussir. Parce que c'est pas dit que tu vas réussir, hein, mon boy. Ouais, à quoi ça ressemble l'entrepreneuriat de nos jours. Oui, je vais essayer. Alors, tu vas me faire un jet de dextérité. Donc, c'est un des 20. Voir si tu as la rapidité pour genre subtiliser peut-être deux. Parce qu'ils sont superposés les uns sur les autres, hein, les trucs. Hein. Donc, voir si tu arrives à en choper deux d'un coup ou si genre tu ferais pas tomber. J'ai fait un. Un ? Oh putain. Alors, tu veux en prendre. Tu veux prendre quoi et combien ? Oh, je vais prendre, je sais pas moi, un maximum de toutes les tailles. Que tu te fasses pas choper en chopant deux ou trois machins, mais à un moment donné, genre si tu pars avec une pile comme ça devant toi, ça va être compliqué à expliquer. Voilà, donc disons que je pars du principe que tu peux aller doubler, et parce que t'as fait un. Allez, tripler les exemplaires. Mais tu pourras pas prendre toutes les tailles. Voilà. Après, à toi de savoir si tu prends que ta taille ou si tu prends trois tailles différentes à chaque fois. Non, je vais prendre des tailles différentes. Donc, tu prends une pour toi et une en dessous. Comme ça ? Voilà. Ça te va ? Ouais, ça te va ? Ok. Donc, personne ne te capte. Franchement, tu gères bien, ton affaire. Pour ceux qui voient, vous savez quand même qu'il a, il a l'air d'avoir une bonne ration de fringues, Richard. Pendant ce temps-là, tu sens sur ton épaule, Wade, une pression constante et régulière sur ton épaule. Mais je détourne, c'est un peu la tête, mais c'est, je reviens souvent sur le tableau, puis je fais ouais. De pousser, s'il te plaît, je dois regarder si ma soeur est là aussi. Ah, ok, du coup, on est un peu sur le côté et on est deux à regarder le tableau maintenant. Donc, mais cassez-vous, je dois m'en aller vite dans ma chambre. Ça vous prend bien 5, 6, 7 minutes parce que vous êtes une fournée de quasiment 200 personnes. Et vous remarquez que ni toi, Wade, ni toi, René, n'avez votre sœur dans la fournée du jour. Merde, t'as eu de la chance, toi ? Elle est là, ma sœur. Non, moi j'en ai pas de chance. J'ai pas eu de chance, hein, tu vois. Fais chier. Du coup, je vais vite marquer mon nom et genre, je vais prendre mes affaires et je suis ultra saoulé et je vais m'éloigner du reste. Je fais exactement la même chose que lui, sauf que. Comme il est petit, je lui touche juste le crâne et je passe. Vous avez l'air mal en peine, monsieur Wade, c'est ça ? Ferme-la. à ce moment-là, je m'arrête, je laisse partir et je tourne la tête en... Tu sais, comme quand il t'arrive un truc bizarre dans la rue où tu cherches quelqu'un qui passerait par là et qui pourrait approuver ce qui vient de se passer en mode « Oh, les gens de nos jours !» Bah, tu tournes la tête et ouais. tu vois sur ton côté Olivia qui attend patiemment sans rien dire. Et est-ce que Olivia, tu restes juste à rien dire ? Est-ce qu'il va accentuer le malaise ou est-ce que t'essayes de... Honnêtement, non, je dis rien, genre... Si je vois que tu insistes dans le regard, tu sais, je vais faire un truc un peu malaise. Ah. Quand même, mais il n'y aura pas un contact naturel, quoi. Yes, pote. Ouais. Et ben dans ce cas-là, j'ai juste un truc, tu sais, mais tu sens le forcing, j'ai juste le ridicule est une notion que je ne connais pas. Franchement, la petite phrase qui est placée vite fait, tu sais, pour casser le mal-être. C'est comme quand tu te gamelles dans la rue devant quatre inconnus, t'sais, tu te regardes, tu sais même pas où te mettre. Même pas mal d'abord. Vous finissez toutes et tous avec vos affaires et votre cabine. Vous vous dirigez du coup vers celle-ci. Vous allez dans des directions différentes. Alors bizarrement, vous voyez René qui lui part avec ses fringues sous le bras, toujours à poil, aucun soucis, et qui part dans la direction de sa cabine. Richard et toi, Wade, vous n'avez pas forcément consulté les uns les autres parce que vous ne connaissez pas, hein, mais il semblerait que vous suiviez le même chemin. Et il en va de même pour vous deux, London et Olivia, puisque vous suivez exactement le même chemin, à tel point que vous finissez une dizaine de minutes plus tard, 10-15 minutes plus tard, parce que vous avez cherché, vous êtes trompé, tout ça, bref. Je suis avec qui ? Hein ? Je suis avec qui, tu m'as dit ? Avec Olivia. Vous finissez devant la même porte. Donc ça veut dire que je dis ma phrase et que je pars. Tous les quatre. En fait, on va marcher dans la même direction pendant 15 minutes. Voilà. Et vous finissez à tel point incroyable devant la même porte. Et ben ça, du coup, c'est le sentiment lorsque tu dis au revoir à quelqu'un et que tu te rends compte que vous partez dans la même direction. Comment vous gérez la situation ? Vous êtes face à la porte où vous devriez aller, chacun. Comment vous gérez ça ? Les deux groupes, hein. Alors, non, alors Olivia et London. Si. Voilà, et oui, pas sur la même porte, mais oui, on est chacun tous les deux devant des portes pareilles. Voilà, il y a deux binômes qui se retrouvent devant la même porte. Voilà. Oui, moi, voilà. Moi, de mon côté, je vais clairement pousser un énorme soupir avant de rentrer. Vraiment, je. Exaspéré. Vous pensez qu'il faut qu'on toque ? Est-ce que vous soupirez comme ça? Vous êtes stressé? Un peu. Rentrons. Allons-y. Tu la laisses passer en premier ou tu passes avant, London? Non, je vais la laisser passer en premier et je vais en profiter pour me présenter. Je vais dire. Je lui tends ma main et je lui dis London Strickland. Olivia, appelez-moi Docteur Olivia. Ah, vous êtes médecin aussi. Tout à fait, oui. C'est peut-être pour ça qu'ils nous emmenaient au même endroit, je ne sais pas, je suis psychologue. Quand vous passez la porte, eh bien, vous arrivez littéralement dans une cabine. Qui doit faire à peu près une dizaine de mètres de long pour aller 3 mètres de large. C'est vraiment assez petit. Hein. Dans celle-ci, quand vous arrivez tout de suite à votre gauche, vous voyez un lavabo avec un grand miroir qui est surmonté de chaque côté de deux commodes, deux armoires a priori. Donc vous pouvez imaginer que chacun aura son emplacement. De l'autre côté, il y a une grande armoire un peu plus, assez grande où vous pouvez encore aussi mettre des choses à l'intérieur. Quand vous faites face à la pièce, vous avez en plein milieu de celle-ci une table avec deux chaises. Et quand vous regardez un peu plus loin dans le fond, sur le côté à droite dans le fond, vous avez un lit superposé, enfin deux lits superposés, un en bas, un en haut. Et sur la gauche, vous voyez deux énormes caissons qui se suivent dans la longueur de la pièce. A priori, de ce que vous en savez, ce sont des caissons de cryogénisation. Pour celui qui sait qui s'avance dans la pièce, qui regarde un petit peu les lieux ou les lits, les caissons... Ok, donc Olivia, tu t'avances au niveau du lit. T'as posé en gros les affaires en plus que sur un côté. Et tu vois que, alors c'est le moment où je pose la question parce que j'ai pas choisi. Tu préfères dormir en haut ou en bas? Sans demander, moi je vais en haut. Ok, donc tu regardes le lit et tu vois que en haut du lit du haut, il y a ton nom écrit sur un grand écran LCD. Enfin, c'est un LED, tout ça, machin, bref. Et à côté de celui-ci, il y a une espèce de planning numérique avec plein d'horaires et a priori de choses à faire dans la journée. Et tu remarques que sur le lit du bas, eh bien, le nom de London Strickland est écrit. Le même écran avec lui aussi une espèce de planning avec des choses diverses à faire à des heures précises. Oh, vous aviez directement vu que nos noms étaient écrits. Je vois que je fais colocation avec quelqu'un d'assidu. Ça fait plaisir. Évidemment, c'est essentiel à notre métier. Justement. Alors, comment vous vivez le fait de, comme ça, de vous retrouver avec une personne que vous ne connaissez pas, a priori, ça va être votre cabine pendant un bon moment. Votre état psychologique. Moi, je déteste ça, honnêtement. Mm-hmm. Je le savais, il y avait de fortes chances que ce soit le cas. On n'a pas signé pour une croisière, quoi. Donc oui, mais ça me fait chier, surtout que moi j'ai surtout ce truc de est un peu... peut-être un peu égocentrique, mais j'ai toujours un peu peur qu'on me reconnaisse pour certaines raisons pas forcément bonnes. Et du coup, je... Regarde pas comme ça, c'est pas ce que tu crois. Et ouais, du coup, j'avoue que, tu sais, j'espérais avoir un petit coin à moi où, genre, je suis sûr d'avoir un moment où je peux souffler ou quand j'y suis, etc. Alors là, je me dis, en plus, c'est un confrère, c'est quelqu'un qui connaît le milieu de la science, c'est quelqu'un qui a peut-être entendu mon nom et c'est pour ça que je l'ellipse. Mais du coup, je suis, genre, ultra mal à l'aise et j'essaye de pas le montrer, même s'il y a un soupir qui est passé, mais clairement, il va me falloir du temps pour m'acclimater. Personnellement, à l'intérieur, je bouillonne parce que j'étais persuadé que j'aurais ma propre chambre et j'avais déjà décidé à peu près dans ma tête comment est-ce que j'allais agencer les choses. J'ai besoin que les choses soient globalement comment je les ai décidées. Du coup, je suis assez dégoûté aussi. Ouais, voilà, globalement, j'essaie de ravaler ma colère. Je veux dire, je sais très bien que c'est pas de la faute de mes camarades et que c'est comme ça. De toute façon, on va passer en réalité la majorité du temps cryogénisé. On a toute la vie pour avoir notre propre base ou caisson ou ce qu'on veut à l'intérieur, du coup, bah, sur le peut-être future planète. Du coup, voilà, je serre un peu du poing et juste je regarde Olivia et j'affiche un grand sourire et je lui dis « Ravi de faire votre connaissance, en tout cas. » Moi de même. Du coup, bah, vous commencez un peu à prendre possession des lieux bon, j'imagine que peut-être pendant un petit moment vous pouvez peut-être un peu plus. J'ouvre les armoires. Est-ce qu'il y a déjà des vêtements dedans? Non. En fait, tu vois qu'il y a quasiment, enfin, il y a des cintres, il y a des trucs comme ça pour poser, mais naturellement, ce que vous avez récupéré, vous pouvez les ranger. Après, vous vous mettez simplement d'accord sur qui se met où, armoire de droite, armoire de gauche, voilà. Après, vous, de toute façon, vous avez très peu de possessions. Vous avez toujours votre valise qui n'est toujours pas là, que vous avez récupéré des affaires de la Terre pour une raison que vous ne savez pas forcément, mais elle est toujours pas là. Du coup, ce qui arrive, c'est que, toi, Wade, et toi, Richard, vous retrouvez devant la même porte. Du coup, comment vous gérez la situation? Ouais, je crois que tu t'es trompé, mec. T'es sûrement à la chambre d'à côté. Ça, c'est ma chambre. C'est toi qui t'es trompé, mec. Attends, mes indications. Regarde, je l'ai noté sur le papier. Il y a ton nom sur le papier? Parce que moi, oui. Il y a mon nom. Il y a mon nom sur le papier. Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Ok, attends. J'appuie sur l'ouverture de la porte pour voir si, genre, il y a plusieurs lits à l'intérieur. Alors, quand tu ouvres la porte, tu vois donc cette fameuse pièce de près d'une dizaine de mètres de long. Tu vois dans le fond de la pièce un lit superposé. Avec sur la gauche deux caissons cryogéniques. T'es chier. C'est bien, tu vois bien que c'est ma chambre, allez, sors d'ici. Ah, c'est pas ça. Il y a deux lits, donc on va devoir se retrouver ici tous les deux. Quoi? Oh la vache. Tu déconnes, attends, j'arrive. Oh bordel, c'est pas possible, ils nous ont pris pour des gamins de 8 ans. Ouais, on va mourir dans l'espace, on a même pas une chambre chacun. Pas payé pour ça, moi. Tu bois quoi, toi? Quoi? Tu bois quoi, toi? Tu préfères quoi? La bière, le whisky? Tant que c'est pas de l'eau. Bon, on va bien s'entendre, alors ça ira. Bah, du coup, vous rentrez à l'intérieur, effectivement, vous voyez exactement la même chose que vos camarades juste avant. Hein, donc, le lavabo sur la gauche avec le miroir, les différentes armoires individuelles, une plus grande, a priori, qui vous pourrez partager des choses dedans. Et donc, cette table avec deux chaises, le lit superposé sur la droite et les deux caissons cryogéniques sur la gauche. Qui s'approche en premier, enfin qui s'approche là tout de suite des lits? Moi. C'est toi. Donc même question, vu que c'est le premier à arriver, tu te vois dormir plus en bas ou en haut? Est-ce que c'est possible de regarder les deux lits? C'est des lits on ne peut plus classiques. C'est vraiment une structure rudimentaire. D'accord. Avec un matelas spartiate, des couvertures. Alors là, ils sont faits au carré. Hein, c'est vraiment nickel propre. Un coussin. Et il n'y a pas un petit écran avec un nom noté, que ce soit en haut ou en alors, bas. Alors si, si, si. Là, y a, en fait, là, c'est plus méta, dans le sens où toi, tu voudrais que ton personnage il dorme en haut ou en bas. J'ai pas déterminé les positions des gens. Après, je peux le faire en random pour... hein, si tu veux, et vous irez pas où. Voilà. Y a pas de souci. Ouais, je veux bien que tu le fasses en random. Random. Alors, 1, 2, 3, tire en bas. 4, 5, 6, tire en haut. Eh bien, tu l'es. Non. 1, 2, 3. 1, 2, 3, mon nom est noté en bas. 4, 5, 6, il est noté en haut. Voilà, c'est ça. Donc, tu commences à regarder en bas. Et ton nom n'y est pas mentionné, puisque tu vois écrit sur la tablette du lit du bas Wade Palmer. Et effectivement, quand tu lèves la tête, tu vois donc sur le lit du haut donc un écran pareil, hein, où ton nom est mentionné, Richard Debs. Ok, bon, c'est l'heure d'utiliser mon service, je prends le lit du bas. Oh, si c'est que ça. Eh bien, vous commencez un petit peu. Alors, toi... T'aimes bien les cigares ? Oh, ça m'est arrivé à une autre occasion d'en goûter. Ok. Tu serais prêt à payer combien pour un bon cigare ? Bon, on verra ça plus tard. Ouais. Juste, du coup, ça me fait penser à quelque chose par rapport à monsieur le commandant. Est-ce que tu peux... Parce que du coup, là, on parle... Là, on vient de parler de valeur avec de l'argent. Est-ce que on a amené de l'argent avec nous ? Est-ce que ça servira à quelque chose ? Il y a zéro argent. Faut vraiment vous dire qu'il y a une monnaie. C'est une dot qui vous est donnée à chacun. C'est plus des jetons. Enfin, en gros, c'est pas vraiment de l'argent en soi. Hein. C'est plus des jetons pour avoir droit à certaines choses. Mais c'est pas. On n'est pas dans. Enfin, ça pourrait hein, finir en économie. Hein, mais voilà. C'est... T'aimes bien le poker ? Jamais trop appris à jouer. Ah, c'est pas grave, tu vas apprendre. Du coup. Oh, sinon, quel play dans le cul là, ce putain de. Là, comment il s'appelle là, l'autre con là ? Le chauve là, tu sais. Attends, lequel ? Parce qu'ils avaient tous l'air insupportables. Celui qui nous a parlé là, tous les deux. Celui qui nous a parlé ? J'espère qu'on le reverra plus. Non, celui qui est venu avec nous. Ah, celui-là qui est parti tout seul à la fin là ? Non, je sais pas, j'ai pas vu. Je crois qu'il est parti avec la fille là, j'ai pas vu. Non, mais c'est pas grave. Ouais, bah j'en sais rien, je sais pas, je les ai pas trop regardés honnêtement. Bref. Bon, si c'est London, il est pas chauve. Hein. c'est canon, à partir de maintenant, je suis chauve. Ça va. Je ton image alors. Ah, tu t'es rasé la tête entre temps. Okay. C'est ça. Ça, c'est la photo d'identité que j'ai fait 6 mois avant. Bon, après, vous n'avez pas. Vous ne connaissez pas les noms des gens. Là, vous venez de faire connaissance littéralement parce que t'as vu le nom de Wade sur le truc. Mais jusqu'à avant ça, vous n'aviez jamais vraiment discuté. Donc c'était. Basse. Certes, mais on a été chez le psy ensemble et qu'il y a une fille qui nous a appelé un par un par notre prénom. Ah, donc toi, tu aurais retenu le moment où il a été appelé peut-être pour. Je sais pas, j'ai pas dit son nom. Hein. J'ai entendu une fois. Ah oui, d'accord. Cas, okay. Autant pour moi. Ça marche aussi, c'est vrai. Du coup, tu vois quand même Wade, tu vois quand même Richard qui s'approche en gros du panneau, enfin de l'écran qu'il y a au niveau de ton lit et qui commence à dépioter derrière. Tu vois qu'il a l'air de pas mal se débrouiller par rapport à ça. Tu penses que c'est quelqu'un qui est avoir des connaissances en mécanique ou enfin en Enfin, c'est quelqu'un de très très bon manuellement. Et tu vois qu'il arrive à décrocher l'écran, il déclipse tout, il fait la même chose de son côté de lit, et puis finalement, il les intervertit sans trop de problèmes. En espace de 10 minutes, pendant que vous parlez, en plus, il fait ça tout en parlant, eh bien, il échange les deux écrans de place et il pose ses affaires. Alors, tu vois que tu t'aperçois qu'il a plus de fringues que toi. Tu n'avais pas fait forcément attention. Alors, c'est peut-être le moment où tu te dis, t'as peut-être pas pris assez ou. Ah ouais, ah merde, on avait droit à plusieurs jeux. Non, j'ai une dérogation. Ouais. Non, je vais les mettre sous le lit, ça va pas gêner comme ça, sous le matelas. Eh, sinon, tu fais quoi dans ce vaisseau? Tu veux dire quoi? Pourquoi je suis là ou à quoi je sers? Ouais, c'est quoi ton affectation? Ah, je sais pas si on a des affectations encore, mais on m'a parlé de ce que je sais faire en informatique particulièrement. Ah, t'es un petit nerd, c'est ça? Après, je reste pas tout le temps dans mon bureau si je sais mettre mes mains dans le cambouis s'il faut. Y'a pas de soucis. Ok, ok. Vous continuez comme ça à discuter un petit moment. De ton côté, René, eh bien, tu arrives seul devant ta cabine. Tu ouvres la porte et tu te rends compte que tu es seul. Il n'y a personne. Yes. Toujours la même configuration de pièces. Tu commences à poser quelques affaires. Alors, tu peux choisir l'endroit où tu veux mettre l'armoire de gauche, de droite. Et tu t'approches du lit du fond et tu te rends compte que lit du haut, tu trouves ton nom. Et lit du bas, eh bien, c'est une certaine Elena Stamp qui est mentionnée. Peut-être elle n'est pas encore arrivée, mais c'est une femme qui a le lit du bas. Ce que je fais, c'est que... Est-ce qu'il y a des barreaux sur le lit? Non, en fait, il faut imaginer que c'est plus... Au niveau de la tête, jusque-là à peu près, il y a une barre, en fait, une espèce de c'est plein. Donc c'est pour t'éviter de tomber. Et puis après, au niveau des jambes, il n'y a plus rien, en fait. Donc en gros, tu as vraiment un truc qui t'empêche de tomber, mais que de la tête jusqu'au torse, en gros. Et à partir des jambes, il n'y a plus rien. Et là, il y a la fameuse échelle qui te permet d'aller à ton étage. Je déboule, je vais prendre l'échelle, parce que je peux grimper comme ça, je m'en fous. Je prends l'échelle. Je la déboulonne et je m'en sers pour faire une barre de traction dans la chambre. Entre deux meubles ou un truc comme ça. Ok, bah dans ce cas-là, t'es obligé de faire ça au niveau de l'entrée. Tu vois que l'armoire qui est sur le mur de droite, qui fait deux fois en fait une armoire standard, fait face à... l'armoire de droite de l'évier, en fait, de la salle de bain. Et tu te rends compte que c'est quasiment la même taille. Donc, si tu poses l'échelle sur les deux, elles font la même hauteur, et bien, ça te permet d'avoir un petit escalier comme ça. Là. Ouais. Mais sauf que, bon, bien sûr, ça n'a pas d'intérêt de le faire dans le sens de la longueur, mais ça peut te faire une barre de traction, littéralement. Ce que je fais, c'est que vu que j'étais à poil, je m'habille, je me fous en calbute et une partie de la combinaison, enfin le pantalon. Et je vais faire typiquement le gros cliché, je vais foutre mes plaques derrière sur mon dos et je traque le temps d'avoir la coloc qui arrive. Ok, d'accord. À savoir que tu viens de prendre une douche, c'est probablement... c'est une douche par jour, hein. J'ai oublié de vous signaler, vous avez droit à une douche par jour, qui est du même acabit que ce que vous avez fait aujourd'hui. Alors, à savoir que là, je vous avais un petit plan qui est disponible là, du coup sur le Miro, où j'ai fait le couloir. En fait, la, vous avez le couloir où vous marchez qui est en rouge. Sur les côtés, vous avez les cabines et qui sont en blanche. Et après, ben, je sais pas d'ailleurs où est passé. Il manque un bout là. Attends, je vais déplacer ça parce que du coup ça empêche de voir. Voilà, c'est mieux là. Vous avez donc les cabines qui sont en blanc, les douches communes, donc l'équivalent de ce que vous avez fait tout à l'heure, qui sont en vert, donc c'est là où vous irez prendre vos douches quotidiennement. Et vous avez passé à un moment donné devant des portes plus spacieuses, ce sont des ascenseurs qui sont en jaune. Donc, qui vous permettent de vous déplacer dans les différents niveaux. Voilà. Et donc, savoir que là, tu viens juste de prendre une douche, que tu vas faire ton sport, que tu vas transpirer, et bon, bah, que tu devras attendre demain pour prendre une douche parce que tu ne peux pas. T'inquiète, j'ai une bouteille d'eau. Ok. Je vais utiliser ton eau rationnée. Pour ça, il n'y a pas de problème. Donc finalement, vous, les uns et les autres, hein, vous continuez un petit peu à causer tous ensemble, et vous remarquez effectivement que, comme je vous l'avais dit, vous aviez un écran avec où sont notés, eh bien, a priori, un planning avec des heures et chaque jour ce que vous devez faire. Vous savez que pour aujourd'hui, eh bien, vous allez avoir un petit check-up à faire. Alors, je ne vais pas vous donner des heures parce que ça ne sert à rien. Mais vous avez un rendez-vous avec pour une visite médicale. Ensuite, eh bien, vous aurez un autre rendez-vous, celui-ci beaucoup plus administratif, pour vous donner eh bien, vos fameuses affectations, à savoir ce que vous allez devoir faire sur le vaisseau et plus tard à l'avenir. Donc, vous discutez le temps d'arriver à l'heure de votre rendez-vous de visite médicale. Alors, pour certains, ce sera une formalité. Hein. René, tu arrives là-bas. Bon, ça, tu l'as déjà fait plusieurs fois de par tes fonctions hein, dans l'armée. Faire une visite médicale pour savoir si tout va bien, c'est la routine. C'est une balade de santé. Voilà, hein, honnêtement, ils voient que tu es en très bonne forme. D'ailleurs, tu sors du sport, donc tu es... tout bien. Là, il prend ta tension, tes stats, machin. Franchement, il y a rien à dire. Tu vois qu'il te donne quand même des cachetons à prendre. Alors, ils te disent que, enfin, le médecin te dit que c'est pour éviter les maladies. Enfin, c'est une espèce de vaccin. Qui s'occupe de traiter tous les virus et autres machins possibles et inimaginables. Ouais. Et que tu quoi. Voilà, c'est ça. Tu prends, tu prends un gobelet, tu bois, c'est terminé. Hein, et on te dit, écoutez, à la prochaine, venez quand vous voulez. Ou même pas du tout, c'est tant mieux. Wade, t'arrives à ton rendez-vous pour le médecin. Mm-hmm. On te demande déjà si ça va. Est-ce que tu te sens bien? Il prend tes constantes et il te trouve assez tendu, assez fatigué. Est-ce que vous avez fait bon voyage? Enfin, vous avez l'air d'être assez fatigué. Ah oui, bon voyage, aucun accident d'astéroïde. Vous pouvez me laisser avoir accès à vos dossiers médicaux pour que je sache ce qui est là? Écoutez, je suis désolé. Les dossiers médicaux sont strictement personnels. Vous pouvez regarder par-dessus mon épaule pour voir ce que je regarde. Je cherche juste des noms, je regarderai pas les dossiers. Mais je suis désolé, je ne peux pas. Okay. Que voulez-vous savoir exactement? C'est vous qui le faites, mais que je suis derrière vous. Non, mais déjà dites-moi, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? J'ai une sœur qui est censée être là normalement. Écoutez, évidemment, les gens qui organisent tout ça, ils n'étaient pas assez malins pour se dire qu'on aimerait savoir si la famille est là ou pas. Oh, oui, enfin, sachez quand même que... C'est des trucs de la vie, hein, parce que les gens qui ont des mentalités aussi individualistes, jusqu'au point où ils n'en ont rien à foutre de la famille, ça, c'est des citadins. Alors, oui, mais nous sommes dans un programme assez sérieux et nous évitons un maximum, a priori, de mettre les fratries ensemble. Mais de mémoire, je crois que je n'ai jamais entendu que des frères et des sœurs étaient ensemble. Tu vois que il te fait face. Donc il a son ordinateur en face de toi, donc tu ne vois pas. Et du coup, pendant que tu es en train de parler, donc lui, il a toutes tes informations. Tu vois pendant qu'il te parle, il est en train de utiliser son ordinateur. Ok, bon. Avant de bon, je vais essayer de me renseigner pour vous. Je vous garantis rien parce que j'ai pas forcément accès à tout. Mais déjà, occupons-nous de vous. Vous avez l'air d'être assez fatigué. Je vous sens assez tendu. Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez dormi quand? Eh bien, pendant le voyage de Dantash. Non. Comment vous... Non, pas dormi. Ah, ok. Tu vois qu'il commence à aller chercher des trucs sur des étagères et il revient avec une espèce de des petits comprimés et un verre d'eau. Il fait, écoutez, prenez ça, c'est des décontractants, ne vous inquiétez pas, c'est pas de la médic... Enfin, c'est pas du chimique et tout, c'est juste quelque chose de décontractant qui va vous calmer un petit peu. Là, je vous sens assez tendu. Vous avez l'air d'être assez stressé. Ça fait quoi ça comme médicament? Ah, c'est juste un décontractant. Il y a pas de souci. C'est sur ordonnance, ça. Écoutez, je suis médecin, je pense que vous pouvez me faire confiance. Je suis pas là pour vous empoisonner. On veut quand même garder l'équipage jusqu'au bout. C'est le but, hein, je veux dire. Ok. Donc tu le bois, c'est bon? Ah, c'est un truc à boire? C'est pas des comprimés? Oui, en fait, c'est juste un comprimé, tu fais ça, paf, et voilà quoi. Ah, ils m'en donnent qu'un seul en fait. Okay. Ouais, c'est juste pour te décontracter là. Hein. C'est pas. Ah. Il te fait pas une ordonnance, tu prends ça pendant 10 jours. Voilà. Du coup, je le prends, du coup, je l'avale et je dis par contre, tant que j'aurai pas des nouvelles de ma soeur, je pense que je vais être dans un état, les médicaments ils pourront rien y faire. Donc. Non, mais vous inquiétez pas, on va trouver une solution par rapport à ça. Ouais, non, mais je veux dire, en attendant, parce que je vais sûrement commencer à avoir des choses à faire. Vous pouvez me donner, vous savez, les petits trucs en plastique où il y a marqué lundi, mardi, mercredi et avec une pilule dans chacun. Oui, tout à fait. Pas de problème. Tu vois qu'il commence à aller dans une armoire juste derrière lui et qu'il revient avec planifier des gélules pour tous les jours de la semaine. Génial. Écoutez, effectivement, si vous sentez que tout ça va vous stresser tant que vous n'avez pas de réponse, écoutez, je vous donne ça et il donne une plaquette avec genre une vingtaine de comprimés. Voilà, c'est bon. Je préfère pas vous donner quelque chose de fort parce que bon, l'intérêt c'est que vous soyez quand même apte à pouvoir travailler. Ça vous aidera à vous décontracter, effectivement. Voilà, donc j'aimerais quand même qu'on se revoie d'ici le départ pour voir si ça va mieux pour vous. Et si j'ai la moindre information par rapport à ça, à votre sœur, eh bien je vous ferai parvenir un message sur votre messagerie personnelle, donc en gros sur l'écran que tu as dans ton lit. Il a été pété par Richard. Non, il a pas pété, il a juste interverti les places. Richard travaille bien. Ça marche. Du coup, il te dit au revoir et puis vous verrez une autre fois. Oui. J'ai juste une question. Est-ce que, du coup, comme on était dans la même chambre, moi et Richard, est-ce qu'on est parti voir le médecin en même temps ? Non, non, non, parce que tu vois que vous avez vu que ton heure de rendez-vous n'était pas forcément la même que lui. Donc toi, tu es parti avant lui. Est-ce qu'il y a Richard dans les environs quand je quitte mon rendez-vous ? Ben en fait, quand tu rentres à ta chambre, dans ta cabine, il est toujours là. Ah, d'accord. Du coup, je lui jette mes trucs avec les médicaments dessus. Et je te dis, tiens, pour te faire du fric, comme ça j'aurai le cigare. Attends, j'ai pas encore vu si c'était passé en contrebande. Hein. Ah non, c'est parfaitement officiel, intraçable. Non mais mes cigares, je sais pas si ils les ont laissés dans la valise. Bon écoute, tu me donneras un cigare quand t'en auras, et si tu les as pas, on s'arrangera pour autre chose. Ça marche ? Ok. Génial. Parce qu'on, évidemment, ce que vous avez visuellement là en caméra n'existe pas vraiment dans votre bouche. Hein. Vous êtes arrivé à poil avec des cigarettes sur le coin de l'oreille. Hé, hey, je suis à poil, mais j'ai quand même mon cigare. Yeah. Ouais. Je l'avais mis dans un plastique. Hey, vous ne voulez pas savoir où. C'est pour ça que je voulais rester un peu plus longtemps sous la douche. C'était un peu plus difficile. Oh là là, ok. Et 26 heures avec ça dans le cul, bon courage. Hein. Enfin. Cette fois-ci, c'est... T'es allé voir qui, là ? Mets ton micro à côté de ta bouche. T'es allé voir qui, là, du coup ? C'est le médecin. En fait, je sais pas, il m'a pris pour quelqu'un qui peut stresser ultra facilement, d'ultra nerveux, alors il m'a donné tout ça. Et il t'a donné des cachets ? Ouais. Juste parce que t'avais l'air nerveux ? Ouais. Il a même précisé qu'il faisait pas d'ordonnance, okay. Donc y a pas de papier a priori. Ok, je vois. Ok. London, c'est toi qui te retrouve cette fois-ci à ton rendez-vous. Quand tu arrives dans la pièce, et bien, tu vois que le médecin. Qui est une femme, t'accueille avec un grand sourire et vient te serrer la main et dire « Ah, bonjour, monsieur London Strickland, ça fait plaisir de vous voir. On m'a dit qu'on serait amené à travailler ensemble. » Oui, exactement. Vous allez bien ? Bah, ça va, et vous ? Enfin, c'est plutôt à moi de vous le demander, puisque arrivez tout juste. Est-ce que le voyage s'est bien passé ? Vous m'avez l'air un petit peu fatigué là, au vu parfaitement, de... Parfaitement, non, pas du tout. Ouais, je vous trouve bien, non, pas... Tout, attendez, tout je vais prendre un peu votre tension ça ne sera pas nécessaire. Bah si, vous savez très bien que je n'ai pas le choix, je dois le faire. Donc, oui, bien sûr. Qu'elle arrive avec le truc pour prendre la tension. Vous avez une tension assez faible, vous avez l'air... d'avoir pas très bien dormi, hein. assez fatigué a priori. Peut-être un sommeil un peu agité, oui. Est-ce qu'il vous faut une petite médication pour ce soir, pour dormir un peu mieux peut-être ? Oh, je pense pas qu'on soit obligé d'en arriver là non plus. Ouais, c'est comme vous le souhaitez, hein. Moi ça ne me dérange pas. Hein. Et qu'est-ce que vous me proposeriez ? Oh, on a des... Enfin, trois fois rien, hein. C'est de la médication assez légère, juste pour l'impulsion au sommeil et pour essayer d'aider à l'endormissement. On ne veut pas d'accoutumance. Tout ce qui est hors soins intensifs, c'est de la médication assez légère. On ne veut pas de droguer, hein, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Surtout pas. Ouais, oui. Sinon, ça a été pour vous le voyage ? Vous êtes bien acclimaté un petit peu à cette vie ? Enfin, à ce que vous allez vivre bientôt ? Oui, parfaitement. Écoutez, j'étais surpris, nous n'avions pas communiqué à ce sujet, que finalement nous sommes en chambre partagée. Est-ce encore le cas pour vous ? Tous, toutes les personnes de ce vaisseau, à part le commandant, sont en cabine double. Oui, a priori, seul le commandant a sa cabine personnelle. Ah, très bien. Bon, bah, dans ce cas-là, je pense que je vais prendre les médicaments. Ok, ok. Bah, écoutez, en tout cas, pour ma part, tout a l'air en ordre. Je pense qu'on se reverra bien assez tôt et je vous souhaite la bienvenue hein, sur l'Esperanza. Bien, merci. Voilà, donc tu repars et là c'est Olivia qui arrive donc du coup pour sa visite médicale. Tu vois que c'est une femme. A priori, bon, dans le temps, il s'est passé 2-3 heures hein, entre le passage de ton camarade London et toi. Mais a priori, c'est la même femme qui s'occupe de toi. Bonjour. Alors, vous êtes Olivia Métrage, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Ça a été pour vous le trajet jusqu'ici, le voyage d'Antoche jusqu'à l'Esperanza? Moins pénible que ce que j'imaginais. D'accord. Bah, écoutez, je vais un peu prendre vos constantes, voir si tout va bien. Bon, a priori, visuellement comme ça, je dirais que vous avez l'air d'être assez reposé, donc... Donc tu vois qu'elle fait toutes ses analyses, toutes ses stats. A priori, bah, pour elle, il n'y a aucun souci. Tu es en très bonne forme. Tu as très bien dormi. Tout va bien pour toi. Du coup, elle te dit, vous avez dû rencontrer votre camarade de cabine. Il me semble que ça doit être mon confrère, London Strickland, c'est ça? Oui, ça doit être ça, oui. Vous n'avez pas fait connaissance? Vous n'avez pas... Si, mais c'est un prénom, j'ai déjà oublié. Je mets un peu de temps à retenir les gens. Ah, d'accord. Bah écoutez, et là, elle te dit, elle le fait avec le sourire et un petit rire. Vous allez avoir le temps de le connaître. Écoutez, je vois que nous allons probablement nous aussi être amenés à travailler ensemble. Tout à fait, j'espère bien. C'est bien pour cela que j'ai mis service à disposition. Eh bien, c'est parfait. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir parmi nous. Et bah, écoutez. Je vous souhaite une bonne journée et puis ben, on se reverra un peu plus tard alors. Soit. Voilà. Au passage, elle t'a quand même donné 2-3 trucs, dont un médicament en fait qui est la même chose que pour René. Hein. D'ailleurs, vous l'avez tous eu. Hein, c'est donc cette pilule pour qui est un peu un vaccin. Qui est pour tout le monde, en gros, pour tous les virus et autres trucs du genre. Et pour toi, elle t'a donné en gros une autre pilule. Tu la connais parce que ben voilà, c'est quelque chose, c'est son domaine aussi, qui est une pilule pour empêcher toute grossesse. Non, c'est voilà, c'est comme ça, c'est le protocole. C'est comme ça. Que ça te plaise ou non, ou que tu n'en aies pas besoin du tout, tu dois la prendre et puis c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Mais de toute façon, je suis quelqu'un qui respecte énormément le protocole. Je sais ce qu'il en est. Voilà. Je le prends. Comme ça ne posera pas de soucis, mais ça va. Je m'inquiète pas trop sur ce sujet. Oui, alors parce qu'après, bon, voilà, faut imaginer que tout le monde n'est pas forcément dans la même vision des choses que toi. Et bien sûr. Et ça, et on ne veut pas d'enfants à bord. Mais je respecte le protocole. Le protocole est là pour ça, justement. Voilà. Moi, je le respecte. Je sais que c'est très important de répéter le protocole. C'est comme ça qu'on sauve des vies. Exactement. Donc finalement tu peux retourner dans ta cabine. Et donc là, c'est le cher moment où, notre ami Richard Debs se retrouve devant un médecin. Bonjour, monsieur Richard Debs, comment allez-vous? Vous avez passé un bon voyage? Avant de rentrer, je vais me frotter les yeux, mais vraiment d'une manière ultra vénère, genre vraiment hyper fort, hyper longtemps. Je suis. Ah, je t'entends plus. Oui. Dans des chiottes ou un truc comme ça. Je vais aller faire des pompes dans un chiotte ou un truc comme ça. Ouais. Genre dans la chambre. Ouais. Et je vais me faire suer. Et puis, ensuite, je vais me rendre en rendez-vous. Ok. Bah, du coup, quand t'arrives, le gars te regarde et dit oh, vous avez l'air un peu fatigué, vous avez fait bon voyage ? Non, pas trop. Pardon ? Pas. Ah, vous avez une petite voix en plus. Écoutez, attendez, je vais prendre vos constantes. Donc, tu vois qui prend ton bras, qui fait tout ça. Effectivement, vous avez l'air d'avoir eu, alors cette fois-ci, une tension assez haute. Oui, ça peut être dû à la fatigue. Vous avez peut-être un peu forcé ces derniers temps, non ? Ça m'inquiétait beaucoup le voyage pour aller jusqu'ici. Beaucoup de stress. Oui, ça peut occasionner effectivement. Je me sens pas très mal au ventre. Ouais. Ah, ok. Écoutez, ce que je vais faire déjà, je vais vous donner. Alors, tu vois qu'il sort des plaquettes. Alors, vous allez prendre ça pendant 5-6 jours. Hein, ce sont des décontractants assez légers, hein, parce qu'on n'a pas de choses très fortes sur le vaisseau. Donc, des décontractants assez légers, hein, vous prendrez ça pour un petit peu vous détendre. Et tu donnes une autre plaquette, et ça, c'est vous avez un peu mal au crâne, tout ça, c'est du paracétamol classique, hein, antidouleur, assez léger également. Hein. Écoutez, si jamais par la suite ça persistait, bon, je verrai avec mes camarades, enfin mes confrères, pour peut-être vous faire des analyses un peu plus poussées. En tout cas, voilà. Donc, dans un premier temps, s'il vous plaît, je vais vous demander de prendre cette pilule. Cette fois-ci, c'est un vaccin générique, hein, pour toutes les maladies qu'on puisse trouver, que vous êtes obligé de le prendre. Hein, ça fait partie du protocole. Et vous pouvez déjà prendre une pilule de décontractant. Et par la suite, voilà, pendant les 5 jours qui viennent, vous pouvez en prendre une ou deux par jour. Ok ? Ok, mais par contre, si jamais dans 6-7 jours ça continue, vous pouvez me repasser quelque chose. Alors, si ça continue, on fera des analyses. Là, pour l'instant, bon, ça peut être le mal de l'espace. Hein, des fois, les gens ne supportent pas forcément la pesanteur. Donc, ça peut être une réaction à votre organisme. C'est courant, hein, vous inquiétez pas. Après, si ça dure plus longtemps, ça peut être autre chose. Donc, là, pour le coup, on fera des analyses un peu plus poussées, prise de sang, et pour voir s'il n'y a pas un souci de ce côté-là. D'accord ? Mais vous me donnerez quelque chose. En fonction de ce qu'il y a, on vous trouvera quelque chose, bien évidemment. Mais je pense, ne vous inquiétez pas, ça ira très bien. D'accord. En tout cas, essayez de vous reposer au mieux ce soir. Et puis, essayez de. Demain, vous avez aussi une grosse journée. Donc, voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Reposez-vous bien, monsieur Richard Debs. Merci. Donc, Richard Debs, tu retournes à ta cabine et finalement, quand tu rentres et que tu vois ton camarade Wade, je te laisse faire le retour. je vais pas lui adresser la parole. Ok, donc tu vois Richard, tu rentres. Je vais juste lever mon matelas. Je vais juste me diriger vers mon lit, puis sous mon matelas, je vais ranger tout ce qui m'appartient. Voilà, pas de problème. Puis une fois que c'est fini, je vais me retourner et je vais lui demander. Ah, tiens, en fait. Allez, question de la plus haute importance. Écoute. Tu fais quoi comme sport ? Comme sport ? Ouais. Je me tiens juste un peu en forme, c'est tout, je fais rien de particulier, pourquoi ? Non, tu regardes pas les matchs sur internet ou quoi ? Ah ! Du baseball, je regarde du baseball. Du baseball ? Ouais. Ok. Et... Bon, rassure-moi, t'es pas un fan des Dodgers de Dallas? Non. Oh, bon. Ok, ok, ok. Et les Yankees? Qu'est-ce que tu penses d'eux? Les Yankees, c'est un classique, mais après, moi, je suis... Tu sais, je suis du Nebraska à la base, et là, on a une petite fierté, donc on aime bien les équipes du coin, même si elles arrivent jamais très loin. Je vois. Écoute, on devrait pouvoir s'arranger alors dans ce cas-là, super. Génial. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Donc, vous avez fait votre, votre visite médicale. Vous, alors, tous, hein, toutes et tous, vous savez que vous avez encore... parce que là, en gros, techniquement, il faut imaginer que... l'heure sur Terre, il doit être 10h du matin. Voilà, vous, vous avez fait 26 heures de voyage. Étant donné que vous étiez parti à 8h du matin, il est maintenant 10h, 10-11h, hein, en fonction des heures auxquelles vous avez eu vos rendez-vous. Maintenant, vous avez, dans l'après-midi, vous aurez chacun votre rendez-vous administratif pour vous attribuer vos affectations. Maintenant, qu'est-ce que chacun d'entre vous, vous décidez? Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à faire ou pas? Moi, je pars voir l'administration parce que j'ai besoin de savoir si ma sœur est là ou pas. C'est pas les médecins qui vont dire... Qui vont... Ça, à la limite, tu sais que l'administration, tu vas les voir quand tu auras ton rendez-vous avec eux. Donc, à la limite, si tu attends d'être à ton rendez-vous d'affectation, a priori, eux sont à même de savoir si ta sœur est bien sur le vaisseau ou pas. Okay. Ben, je vais chercher ma coloc, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait comme boulot. Donc. Alors, il va déambuler sur un truc de la taille de la France, tu vois. Alors, si tu prends le comment dire, la décision, par exemple, de retourner au panneau où il y avait tous les noms des gens qui étaient venus, qui étaient arrivés dans la fournée d'aujourd'hui. Tu ne trouveras pas son nom. Elle n'est a priori pas présente dans les 200 personnes qui sont arrivées aujourd'hui. Par contre, voilà, tu sais que l'entièreté de l'équipage n'arrive pas en une seule journée. Il y a 4000 personnes à faire venir. Au niveau de l'organisation, c'est pas possible de faire venir tout le monde en même temps. Donc c'est par groupe a priori de chaque jour. 200 personnes arrivent. De ce que tu as vu à peu près quand tu es rentré dans le vaisseau, il y a déjà une grande majorité de l'équipage qui est là. Donc, il est fort probable que ta camarade de chambre va pas tarder à arriver, soit demain ou peut-être dans les 2-3 jours qui arrivent, quoi. Pour l'instant, tu peux profiter seul de ta cabine. Elle n'est pas encore arrivée pour au moins cette journée. Peut-être demain. Ok, ben, moi je continue un peu à faire mon sport et je cours dans les couloirs, tu sais. Ok, tu fais du jog. T'es là en mode de jog. Après, tu en vois d'autres. Hein. T'es pas vraiment le seul à faire ça. Tu sais qu'il y a une salle de... On t'a prévenu qu'il y avait une salle de sport dans le vaisseau, puisque ça, vous le savez, vous l'avez appris pendant vos 5 ans. Vous êtes obligé d'avoir dans votre planning de la journée au moins 1 à 2 heures de sport à faire. Pour la simple et bonne raison que l'organisme en gravité a besoin, perd de la masse musculaire, hein, si, vu que ce n'est pas... Du coup tu te retrouves souvent sur des machines où tu es sanglé, ouais. Et tu cours sur des tapis. Bon là, pour le coup, vous êtes en gravité normale, hein, puisque la roue en fait, de quartier d'équipage est en mouvement. donc c'est une espèce de gravité artificielle, donc là ça vous permet, mais il est probable qu'une fois le voyage en route, bah, peut-être que cette gravité sera arrêtée et que du coup vous aurez besoin d'avoir une activité sportive régulière pour éviter de perdre en masse musculaire. Mais donc tu peux, si tu le souhaites, aller dans la salle de sport du vaisseau et faire du sport avec d'autres. Hein. Peut-être même rencontrer des futurs collègues. Bah, j'y vais. Et normalement, il y a un truc d'oxygène, je sais, pour capter tout ce qui est souffle et cardio, non? Oui, tu peux avoir des machines pour faire ta VO2 max, pour essayer de voir... alors ça c'est plus souvent des tests physiques mais tu peux le faire, oui, je pense que tu peux trouver cette machine où tu te mets le masque sur la bouche et le nez et tu commences à courir pour voir tes constantes au niveau du sport. Ouais. Je m'enlève le t-shirt d'en haut et je continue à courir pour rester dans le climat de l'univers. Ok, bah écoute, ça marche. Donc pendant ce temps-là, René, lui, il va faire son sport. Les autres ? Rien. Faut pioncer. London, il est mort. Il a pris son cache. Lors du côté de... Non, ok, il est reparti. Donc moi, de mon côté, je vais assez rapidement chercher un endroit... Je pourrais un peu m'installer sur mon temps libre parce que bon, la chambre sera pas bien pour ça, je vais déranger mon colocataire. Du coup, je vais plutôt aller chercher tranquillement un endroit où je vais pouvoir un peu bidouiller ce que j'aime faire. Du coup, sur le temps libre, je suis en mode vu que de toute façon, visiblement, j'ai un emploi du temps bien chargé. Et que je suppose cet endroit du temps ne me laissera pas beaucoup de temps à toucher un peu à tout ce qui est robotique, tout ça. Bah du coup, je vais me chercher un petit endroit où je pourrais faire ça, soit pour directement le vaisseau s'il y a un besoin, soit pour moi, du coup, si ça peut être juste dans mon coin. Ok, bah en fait, ce qui se passe, c'est que tu commences un peu à te balader dans le vaisseau. Tu finis par autour, enfin dans un des corridors, enfin des couloirs, tu tombes sur que tu n'avais pas forcément vu au début. Hop, j'en ai ça parce que ça me gêne. Tu trouves un plan. Tu trouves un plan du. Du quartier d'équipage. Et tu vois un peu plus en détail les différentes structures de ce. De ce quartier d'équipage. Tu remarques qu'il y a plusieurs étages où littéralement tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étages dédiés aux cabines. Donc il y a quasiment que ça. Et tu as le dernier étage, donc le 9e, c'est là où vous êtes retrouvé la première fois avec les restaurants, toute la partie un peu de trucs. Il y a aussi les hôpitaux, c'est là où vous avez eu dans cet étage, il y a eu les rendez-vous avec les médecins que vous avez croisés. Ensuite, tu as une autre structure qui est beaucoup plus vaste où tu as des hangars. Et plus on se rapproche du centre, en fait, et plus ce sont des endroits où, en gros, tu auras moins d'interactions humaines. Ça va être beaucoup de plus en plus pour éviter, parce que tu sais, parce que tu es médecin, que eh bien, plus on se rapproche du centre de cette roue qui est en constante mouvement, plus la pression sur ton corps, sur ton organisme se fait importante du fait de la proximité avec le centre. Donc on évite, les gens ont tendance à beaucoup vivre dans les 55 derniers mètres, parce que elle fait 300 mètres de diamètre, hein, dans les 55 derniers mètres de la roue pour qu'il y ait moins de pression sur le corps, et plus on se rapproche du centre et plus c'est peut-être plus mécanique des machines. Il peut y avoir de l'humain, mais tu restes très peu longtemps pour éviter d'avoir des problèmes après derrière au niveau de ta santé. Donc tu finis par te retrouver à l'étage de vie, hein, là où tout le monde se met. Tu finis par tomber sur un endroit assez calme, où il y a peut-être moins de gens, où tu peux te poser un peu plus. Tu trouves de quoi, avec des ordinateurs individuels, où tu peux te poser et faire des recherches sur un peu tout et n'importe quoi. C'est vraiment l'internet, mais quand tu regardes, t'as l'impression quand même que t'as pas accès à tout. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce qu'on empêche peut-être qu'il y ait une communication entre l'Esperanza et l'extérieur? Toutes les données que tu vas trouver sont des données archivées. Hein, c'est vraiment des trucs classiques. Tu n'auras pas de communication réellement avec l'extérieur. Mais si tu fais des recherches classiques ou tu cherches des informations, tu vas les trouver. Voilà. Donc après, c'est à toi de voir. Moi, je passe pas sûrement chercher des trucs. Non, moi, je suis vraiment là pour bidouiller un petit circuit, tu vois, genre récupérer des petits composants, faire un petit truc. C'est vraiment genre, juste pour bidouiller, genre, même s'il y a de fortes chances que ça mène à rien, parce que j'aurais pas de quoi refaire un petit truc pour moi, c'est juste le plaisir de bidouiller du circuit. Ah, ok, bah, dans ce cas-là, ouais, tu peux être tombé à un moment donné sur un atelier, enfin... un truc assez classique, c'est un boui-boui, mais un boui-boui sur un vaisseau, c'est quand même compliqué. Mais voilà, où t'as peut-être une maintenance qui est de base dans le secteur de vie, et en sympathisant avec une personne, peut-être il te file un truc pour faire ce que tu cherches à faire, tu vois, voilà, sans plus. Voilà. Du coup, pour les autres, que ce soit Wade, que ce soit Richard et London. Dans combien de temps est-ce qu'on est censé être cryogénisé? Pour l'instant, vous n'en savez absolument rien. Il n'y a aucune communication qui a été faite. Là, vous arrivez vraiment. C'est le total inconnu. Vous ne savez pas du tout comment va se dérouler le voyage, vous ne savez pas du tout où vous allez, vous êtes au courant de strictement rien du tout. Bah, j'essaie de choper l'info quelque part. Je me balade, je parle aux gens et... Tu te rends compte qu'au bout d'une heure, voire deux, tu te rends compte que même pour des gens qui sont là depuis pas mal de temps, c'est l'inconnu la plus totale. Ils en savent autant que toi, alors que t'en as peut-être, ça fait 3 semaines qu'ils sont là, t'en as que ça fait 2 semaines qu'ils sont là, ils savent pas. Alors après, c'est des gens de la maintenance qui étaient là déjà pour vérifier le vaisseau, pour que tout allait bien et tout, donc ils avaient pas mal de boulot déjà pour vérifier, donc ils avaient pas, c'est pas des choses qui les ont intéressés vraiment, mais même pour ceux qui se posaient un peu la même question que toi, tu te rends compte que pour l'instant, rien ne leur a été révélé et que vous êtes tous et toutes dans la même inconnue. Ok. Voilà. Bon, après, il y a peut-être une personne qui pourra te dire a priori, on en saura plus quand tout l'équipage sera présent. Donc, c'est dans pas longtemps. Quoi. Tu sais que c'est dans quelques jours. Voilà. Que fais-tu, Wade ? Eh bien, comme il est quelque chose comme 10h, 11h du matin, si je me souviens bien. Ouais, voilà. Je sais que t'as ton rendez-vous en début d'après-midi. Ouais. Attends, quel rendez-vous en début d'après-midi ? L'administratif, pour savoir tes affectations, afin de connaître tes affectations. Bah, du coup, je me dis qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de temps devant, parce qu'il va sûrement y avoir un moment où on va devoir manger, se retrouver dans une cantine commune, c'est probable, un truc comme ça. Oui, effectivement. Donc, je pense que je vais juste déambuler un peu dans les parties un peu de vie, trucs comme ça, pour savoir où est ceci, où est cela. Ouais. Et essayer de sympathiser un peu avec telle ou telle personne. Je suis quelqu'un d'assez sociable en temps normal. Ouais. Bah, du coup, ouais, tu passes peut-être une heure ou deux à vagabonder dans le truc. tu remarques que, a priori, l'ambiance générale est plutôt bonne. Les gens sont assez joviales et sympas. Il n'y a pas de tension particulière. Vous êtes tous là pour le même objectif. Donc, personne n'a été forcé à quoi que ce soit. Tous les gens sont venus leur plinguer. Tu remarques, tu as des restaurants. Alors, c'est sûr que la gastronomie sur place est assez sommaire. Hein, on est quand même là sur des rations de l'espace. Hein. On peut pas. Il y a pas de ravitaillement tous les jours qui est venu de la Terre. Hein. Donc, alors peut-être que exceptionnellement avant le départ, il y a des arrivages. Pour nourrir les gens avant de définitivement quitter la Terre. Donc il y a peut-être plus de largesse en termes de repas aujourd'hui. Mais tu vois quand même sur les menus et tout ça que à l'avenir, les repas seront très spartiates et juste protéinés, enfin juste ce qu'il faut calibrer. Sinon, voilà, tu as des petits bars où on sert une espèce de boisson fermentée qui fait un peu penser à de la bière, mais ça a un goût. C'est pas dégueulasse, mais bon, c'est pas non plus la meilleure bière que tu aies bu de ta vie. Pas forcément d'alcool fort. T'as pas vu de ce qui s'apparenterait du whisky ou autre truc. Peut-être ça peut se trouver, mais pour l'instant tu l'as pas trouvé. Sinon, tu as une salle de cinéma, même plusieurs. Tu as des salles de détente avec que ce soit bowling, billard. Je m'intéresse particulièrement aux salles de cinéma. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des séances qui sont prévues? Avec des films qui sont décidés par certaines personnes, ou est-ce qu'on peut juste y aller, prendre un CD et hop, c'est... Alors, tu vois que les films sont a priori choisis par des gens. Alors après, ils essayent quand même de faire, comme il y en a plusieurs, des choix assez différents en fonction des thématiques de cinéma. Voilà, là pour l'instant tu vois les films du moment qu'il y a sur Terre parce que voilà, ils sont disponibles. Mais on t'a prévenu que si tu le souhaites, dans ta cabine, sur ton écran où tu as ton nom et tout ça, enfin tout le monde, tu peux avoir accès à une bande de données où il y a tous les derniers films des 50 dernières années que tu peux regarder en non-stop quand tu veux. Voilà. Les 50 dernières années seulement, donc ça veut dire que des films jusqu'en 2040, c'est ça? Oui, voilà. Alors après, celui qui t'a indiqué le truc, il a peut-être pas creusé plus. Peut-être que si tu cherches un peu, il y en a peut-être plus. Mais a priori, voilà. Et après, il est fort probable, peut-être que certains films se sont perdus parce que la conservation n'a pas été faite comme il fallait et que malheureusement, il n'a pas été numérisé. Je vais retourner très vite dans ma cabine et je vais chercher à toute vitesse pour avoir la quadrilogie Alien. À toute vitesse. Eh bien, ma foi, tu rentres et elle est là. Et même, il n'y a même pas la quadrilogie, il y a la sexologie. Waouh. Attends, quoi? Il y en a deux autres, et oui, tu as, en 2095, il y a eu 6 aliens, et pas 4. 2 qui n'ont jamais été faits par le réalisateur connu. On n'avait pas ça au Nebraska. Je l'ai regardé immédiatement. Voilà, donc tu te tardes, tu mates le temps jusqu'à ce que ce soit l'heure de ton rendez-vous, bien évidemment. Tu commences par le premier ou tu dans quel ordre tu les regardes? Dans l'ordre chronologique. Ok, d'accord. Ça marche. Donc tu commences par un des moins bons, c'est ça? Je suis un peu forcé de commencer par Prometheus, en effet. Ok. c'est limite, ça te dérange pas trop parce que t'auras pas le temps de le regarder d'une traite. Donc à la limite, s'il y a un film qu'il faut, tu peux couper en deux, c'est bien celui-là. Ouais. C'est pas gênant. Du coup, bah, quand tu reviens, est-ce que fait Richard? Est-ce qu'il est toujours dans sa cabine ou il est plus là? Bah non, Richard, il est parti sans doute. Voler des trucs. Parti. Ah, je t'ai pas entendu. Et qu'est-ce qu'il fait, Richard, bon, alors? Dis-moi tout. Bah, il va chercher une salle de jeu, un bar, quelque chose comme ça. Ok. Bah, tu tombes sur un espèce de bar où tu as à disposition des billards. Tu as aussi des petites arcades plus ou moins disposées. Un jeu de fléchettes du futur avec des fléchettes holographiques. Ok, non, je veux une table de poker. Eh bien, tu trouves une table de poker avec des jetons de poker. Et y a personne dessus? Ah bah si, il y a des gens qui jouent, t'es pas le seul, hein. Écoute, vous êtes quand même un bon sacré paquet de personnes, donc tu peux jouer au poker, bien évidemment. Et bah je vais m'introduire à eux, et puis je vais, voilà, bonjour, est-ce que je peux me joindre à votre partie? Bah écoute, ma foi, prends une table, pas une chaise, je veux dire, c'est quoi ton nom? D'ailleurs, tu te rends compte moi, que... Moi c'est Richard, mais vous pouvez m'appeler Den. Tu te rends compte que... Sur leur donc sur leur tenue, ils ont tous un badge. Donc, tu te rends compte que la personne qui t'accueille, donc c'est une personne plus ou moins âgée, enfin un peu plus âgée que toi, avec une barbe chauve. Il est plutôt bien portant, hein, tu vois, c'est quand même un sacré gaillard. Et tu vois que ils ont tous sur leur tenue un espèce de badge qui est sur la poitrine et sont notifiés. Des affectations avec des chiffres et que sur l'affectation numéro 1 de celui qui est en train de te parler, c'est la maintenance. Et du coup, tu vois que c'est un gros gaillard, bien costaud. Fais écoute, allez, viens t'asseoir. Par contre, je te dis tout de suite, hein, il n'y a pas d'oseille ici, donc si tu veux jouer pour quelque chose, à la limite, ce sera pour ce qu'ils appellent de la bière ici, mais bon, ce sera pas pour autre chose. Il n'y a pas d'oseille ici? Bah non. Il y a des jetons. Enfin, il y a un principe. Là, le commandant, a priori, quand tout le monde sera là, nous expliquera un petit peu le fonctionnement de tout ça. Mais ouais, il y a pas d'oseille ici. Hein, tu sais, en même temps, on est dans l'espace. Tu veux faire quoi avec de la thune? Tu veux t'acheter une maison? On t'a dit que s'il y a des jetons, c'est qui? Ils doivent bien servir d'un. Ouais, je pense que c'est des... Enfin, je crois que c'est pour rationner. Genre, tu donnes un jeton, t'as droit à un repas, des trucs comme ça, tu vois. Bah oui, donc ça vaut quelque chose. Oui, c'est sûr, mais je veux dire... Si avec jamais les jetons, je dire pas, je peux... T'achèteras pas une maison, quoi, c'est ça que je te dis. Ou une bagnole. Mais qui parle de maison, mais... Non, mais... Écoute, tu sais, quand on s'adresse aux bonnes personnes, on peut trouver des tas. Je connais des gens... Ouais, c'est pas faux. Ont des uniformes, quelques médicaments, des vêtements... Ah, ok. Hein, tu vois. Écoute, pour l'instant, on nous a pas encore donné notre solde de jetons. Donc, pour l'instant, ce sera de la bière. Enfin, ce qu'ils appellent de la bière. Oh, tu t'assois, tu viens jouer avec nous? D'accord. Ok. Ok. Okay, bah, du coup, okay. Tu commences à jouer avec eux. Tu vois que quand même, c'est des gros gaillards. Hein. Ils sont quasiment tous de maintenance. A priori, ils se connaissent déjà. Ça doit faire un petit moment qu'ils sont là ensemble. Bon, tu vas jouer un petit moment jusqu'à ce que ce soit l'heure de ton rendez-vous pour tes affectations. D'ailleurs, le London, c'est l'heure pour toi. Hein. Tu finis par te rendre là-bas et après on arrêtera là-dessus. Tout le monde va passer et après on arrêtera là-dessus. Tu te rends du coup à ton affectation. Tu as une personne qui t'accueille, c'est une femme Elle te fait asseoir, elle te dit bon, bonjour monsieur London Strickland, ravi de vous avoir parmi nous sur l'Espéranza. J'espère que le voyage s'est bien passé. Bonjour, oui, parfaitement. Oui. Je crois que vous avez dû faire un petit peu connaissance avec quelques... Enfin, vos futurs collègues. Oui, la docteure Olivia notamment. Oui. D'ailleurs, son visage me dit vaguement quelque chose, peut-être que... Mais je ne suis pas bien sûr, écoutez. Écoutez, je ne sais pas, dans mon dossier, je vois que vous n'avez jamais vraiment eu l'occasion de travailler avec elle. Non, oui, peut-être que nous l'avons... Je ne sais pas, peut-être qu'elle a bossé sur une thèse au docteur. Bon, bref, peu d'importance. J'ai aussi rencontré un certain Wade Palmer. Vous avez eu l'occasion d'avoir affaire à lui? Non, son rendez-vous est dans une heure. Je le vois tout à l'heure pour ses affectations. Bon courage. Merci. Je me rends du travail à faire avec lui. D'accord, ben merci du renseignement. Je prendrai compte de ça. Je vais me préparer alors pour son accueil. Quoi qu'il en soit, ben voilà, je vais. Je suis là un petit peu pour vous donner vos affectations. Alors, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, vous allez avoir quatre affectations qui vont de l'affectation numéro 1, qui sera celle où vous serez le plus sollicité, jusqu'à l'affectation numéro 4, qui, a priori, sera peut-être l'affectation la moins utilisée, ou du moins l'affectation qui sera peut-être plus tard dans... Si les choses avancent bien par rapport à notre voyage. Quoi qu'il en soit, pour commencer, il y a ici sur ce vaisseau un système de grades qui va de 1 à 7. Et en sachant que 1 est le commandant, 2 sont les adjoints au commandant dans les différentes catégories, et 3, 4, 5, 6, 7... les chefs d'équipe et tout ça. Il semblerait que vous fassiez partie des grades 2. Donc, de 1 à combien ça a coupé? Pardon? De 1 à 7. Non, de 1 à 7. De 1 à 7. Voilà. Donc, on vous a attribué le grade 2. Donc, vous serez donc un adjoint du commandant. A priori, vous serez en charge du pôle médecine de l'Espéranza. Ce sera vous le référent numéro 1. Je pense que vous le verrez très vite, mais il semblerait que demain, vous aurez une réunion avec le commandant, vous et les autres grades 2, pour évoquer ce qui va nous arriver très prochainement. Que ce soit la destination et tout ce qui a été prévu pour le voyage et la suite. Merci. Vos affectations sont donc l'affectation numéro 1 qui sera psychologue. Je pense que vous en êtes douté. Évidemment. L'affectation numéro 2 sera médecin. L'affectation numéro 3, vous serez affecté donc à la botanique. Alors, botanique, ça peut être la gestion si on a besoin de vous à la serre ou pour d'autres petits soucis ou autres soucis avoisinants qui ont un rapport avec la botanique, pardon. Et la quatrième affectation est l'exploration et la survie. Oh, d'accord. Ça, a priori, ça ne sera pas avant très longtemps. Oui, j'imagine. Voilà, donc après, si vous avez la moindre question par rapport à tout ça, n'hésitez pas, hein, je suis là pour vous répondre. Mais a priori, voilà ce qui vous attend pour l'avenir sur l'Espéranza. Eh bien, j'aimerais bien connaître les affectations de mes futurs collègues. Mais je pourrais leur demander directement. Je pense, oui. Je pense que il est quand même préférable que la première personne, qui soit la première personne à être au courant de leurs affectations. Mais bon, Je pense que certaines personnes, vous savez déjà que vous allez avoir l'occasion de travailler avec. Oui, bien sûr. Probablement le docteur Olivier, notamment. Probablement. Effectivement. Au revoir. En tout cas, au revoir. Et puis, bah, bonne réunion avec le commandant demain. Je serai aux premières loges. Je pense que je vais les prendre, ces cachets pour dormir, finalement. Dis, j'en t'attends dans ma poche, le maman. Hop. Du coup, tu t'en vas. Cette fois-ci, c'est Wade. Wade, c'est l'heure de ton rendez-vous. Tu pars, du coup, là-bas. Tu arrives dans une salle et... c'est une femme qui t'ouvre. Monsieur Wade Palmer, comment allez-vous ? Ça va, c'est bien, et vous ? Eh bien, ma foi, très bien. Asseyez-vous, n'hésitez, prenez vos aises. Alors, on m'a fait part que vous avez été un petit peu tendu. Peut-être le voyage a été un peu difficile jusqu'à l'Esperanza. Un petit peu, oui. J'ai 2-3 choses dans la tête, mais j'en ai déjà parlé avec psychologue. Ah, d'accord. Oui, le psychologue m'en a fait part tout à l'heure, effectivement. Écoutez, vous allez donc pouvoir connaître votre grade et vos affectations. Alors, savoir que il y a 7 grades sur le vaisseau, en sachant que le grade 1 est celui du commandant, le grade 2 celui des adjoints commandants aux différents services et secteurs, et par la suite 3, 4, 5 et 6 et 7 différents chefs d'équipe et ainsi de suite. Donc il vous a été attribué le grade 3, donc vous serez chef d'équipe, vous aurez plusieurs personnes sous vos ordres. Alors au niveau de vos affectations, les gens qui ont l'affectation que vous allez avoir en affectation 1 souvent se méprennent sur le nom en lui-même. Vous avez en affectation numéro 1 nettoyeur. Alors nettoyeur, ce n'est pas une personne qui va devoir faire le ménage sur l'ensemble du vaisseau. C'est pas un mauvais métier non plus, hein. C'est des gens très utiles. Je sais, tout à fait, mais je préfère clarifier la situation parce que, évidemment, ça n'a rien à voir avec ceci. Disons que les nettoyeurs sont pour nous des personnes très importantes, puisqu'ils ont développé des aptitudes assez peu communes, parce qu'il y en a très peu, qui leur donnent des possibilités assez importantes. D'ailleurs, pour que vous puissiez plus avant les développer, vous aurez de façon journalière jusqu'au départ des cours de quoi développer votre aptitude, et vous apprendrez un peu plus avec la personne qui sera en charge de votre formation. Mais sachez que c'est un poste et une position qui est cela dit quand même primordial pour le vaisseau, et vous en apprendrez un peu plus plus tard. L'affectation numéro 2 pour vous sera l'exploration et la survie. La troisième, l'informatique, et la quatrième, la construction. Je pense qu'il y a des affectations qui vous seront utiles beaucoup plus tard pendant le voyage, a priori. Si vous avez la moindre question par rapport à quelque chose, mis à part nettoyeur, parce que moi-même j'avoue que je ne maîtrise pas forcément le sujet, étant donné que je n'ai pas cette affectation à moi-même, mais sinon pour le reste, n'hésitez pas, je serai de vous renseigner. Si j'ai bien compris, jusqu'au jour où on arrive à destination, je suis principalement en informatique, c'est ça ? Pas forcément, nettoyeur peut tout à fait être aujourd'hui quelque chose d'utile au vaisseau. D'accord. Oui. D'accord. Mais c'est vrai j'ai réussi à vous faire parler de nettoyeur malgré le fait que je n'avais pas posé de questions. Effectivement, mais après, je ne connais pas les détails de ceci, malgré tout. Mais il me semble... C'était bon pour les entêtres, c'est très clair. Pardon. En tout cas, je ne vous trouve pas aussi stressé que aurait pu le mentionner le psychologue. Je m'attendais à quelqu'un de beaucoup plus stressé que ça. Je vois que... Ah, non, mais j'ai le... Je suis un nerveux de type plaisantin. Si je fais des blagues, c'est qu'il y a d'autres choses qui se passent derrière. Ah, d'accord. Autant pour moi. Bon, en tout cas, voilà. Tout va bien. Maintenant, vous pourrez aller chercher... Donc, tu vois qu'elle te donne... Elle sort un espèce de badge qu'elle te tend. Qu'elle met sur la table et dit voilà, vous devez le porter en permanence sur votre tenue. Sachez qu'elle elle possède à l'intérieur donc de celle-ci des accréditations qui vous permettront de pouvoir accéder à des salles que d'autres ne peuvent pas accéder hein, en fonction de votre grade et de vos affectations. Donc pensez à vraiment l'avoir en permanence avec vous, sinon ben, malheureusement il y a des endroits où vous ne pourrez pas accéder. Ok. Voilà. Bien sûr, elle te l'a dit à toi aussi, hein, London. Hein. J'ai oublié de le dire, mais elle te l'a dit à toi. Une dernière question. Est-ce que vous savez quelles sont les affectations de ma sœur? Votre sœur? Oui. Vous avez parlé au psychologue. Vous savez pourquoi je suis nerveux? Non. Non. Le psychologue m'a pas fait mention de ça. Je suis censé avoir une sœur à bord. Et que j'ai pas réussi à recroiser depuis que je suis arrivé. Alors écoutez, là, je ne peux pas forcément accéder à tout ça, mais je vais essayer de me renseigner et je vous ferai parvenir l'information si jamais elle est là. Effectivement, je pense que c'est tout à fait normal que vous soyez au courant si votre sœur est présente. Très bien. Voilà. Écoutez, bah, je vous remercie et puis je vous souhaite encore une fois un bon séjour avec nous et... Et puis, bonne acclimatation sur l'Esperanza. Pas de soucis, je sais m'acclimater de toute manière. Eh bien, c'est parfait. Au revoir, monsieur. Maintenant, c'est René. René qui arrive pour son rendez-vous. Bonjour, monsieur René Turquoise. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Écoutez, ça va, je suis pas très nerveux. Bah, je vois ça, vous avez l'air d'avoir... vous êtes plutôt serein. Oui, toujours. Oui, on est là, ça va bien, il faut toujours... Oui, pour votre affectation, je pense qu'il vaut mieux que vous soyez ce genre de personne, effectivement. En tout cas, bon, je pense que, étant donné votre formation, vous comprenez tout à fait le schéma des grades et des affectations. Donc, je ne vais pas forcément développer beaucoup plus. Donc là, c'est un monsieur hein, qui t'accueille. Hein, donc, un peu plus strict, tu vois, qu'il est moins dans l'amical. C'est moins jovial et amical. C'est plus carré. Et, tu sens que peut-être cette personne a peut-être eu une formation militaire, elle aussi. Donc, on vous a attribué, monsieur Turquoise, le rang de grade 3. Donc vous serez donc chef d'équipe avec donc la gestion de plusieurs personnes. A priori, nous n'avons pas encore déterminé le nombre de personnes que vous pourrez avoir sous vos ordres. Quoi qu'il en soit... Pour l'instant, vos affectations telles qu'elles sont. Première affectation, la principale, ce sera la sécurité à bord de l'Esperanza. Et plus tard, sur place, si on arrive à atteindre notre but. Deuxième affectation, la reconnaissance. Troisième affectation, l'exploration et la survie. Et quatrième affectation, le pilotage. D'accord. Oui, d'accord. Donc, vous êtes amené, plus tard, il semblerait que la reconnaissance et l'explo soient des compétences qui seront utilisées plus tard dans le voyage. Par contre, le pilotage, on pourrait tout à fait, en fonction de ce qui se passe, être amené à manipuler des navettes pendant le voyage. Hein. C'est tout à fait possible et on fera peut-être appel à vous à ce moment-là. Mais sachez que avant vous, il y a d'autres personnes qui ont déjà l'affectation 1 en pilotage. Oui, bien évidemment, oui. Bien sûr. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. J'aimerais savoir si ma soeur est dans le vaisseau. Est-ce que tu dis ça en rigolant? Non. Ok. Je suis au garde à vous et je lui demande. Votre sœur. Comment s'appelle votre sœur? Éléanore Turquoise. Éléanore Turquoise. Écoutez, je vais être complètement franc avec vous. Je n'ai pas l'habilitation, la possibilité de vous donner cette information là aujourd'hui, maintenant. Mais je peux essayer de me renseigner et voir si il est possible de vous donner cette information plus tard. Voilà, je ne vais pas vous raconter de bêtises et je pense que vous êtes assez discipliné pour entendre ma réponse. Donc, sachez que je vais faire en sorte de trouver cette réponse et auquel cas, eh bien, je vous la ferai transmettre directement dans votre cabine. Bien. Merci, chef. Alors, je suis pas votre chef, mais... ok. Eh bien, rompez, comme on dit chez vous. Et je pars de la salle. Ok. Olivia. En me bouffant les ongles, quand même. Oh merde, attends, un militaire qui se bouffe les ongles, là, tout. Je cherche Olivia. Master. Olivia, c'est à toi. Tu rentres dans la pièce, tu vois que c'est une femme qui t'accueille. Elle t'accueille avec un grand sourire. Hop là. Olivia Métrage, comment allez-vous? On ne peut mieux. On ne peut mieux, bah, c'est parfait. J'ai eu la chance de croiser juste avant, un peu avant, votre camarade de cabine, le docteur London Strickland. Est-ce que ça se passe bien avec vous? Vous avez pu faire un peu connaissance? Rapidement. Dire, on s'est plutôt affairé à nos premières affaires, le temps de s'installer, vous comprenez, mais oui, nous avons pu moins se présenter. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Le voyage s'est bien passé, sinon, pour vous, ça a été? Oui, ma foi, comme dit, je m'attendais à quelque chose de bien plus désagréable. Ah, bah, c'est super, enfin, je veux dire, c'est vrai que bon, souvent, les gens se plaignent un petit peu du côté un peu spartiate des lieux, bon, même si c'est vrai que nous avons quand même cette chance d'avoir des quartiers de vie plutôt confortables, mais c'est vrai que, en général, les gens, de premier abord, hein, dans les premiers temps, sont un petit peu déboussolés. Mais tant mieux que ce soit bien passé pour vous. Quoi qu'il en soit, voilà, je suis là pour vous donner vos affectations et votre grade. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a forcément une hiérarchie sur le vaisseau. Cette hiérarchie va de 1, donc du grade 1 au grade 7, étant donné que le grade 1 est le commandant. Nous avons ensuite les grades 2 qui sont les adjoints, les chefs de service, si on peut appeler ça comme ça. Et ensuite, grade 3 et ainsi de suite sont les chefs d'équipe. Et voilà, plus ça va et plus c'est des... jusqu'au grade 7 où c'est un simple ouvrier ou enfin une main. Voilà. En savoir qu'il vous a été attribué le grade 3. Donc vous serez dans la catégorie des personnes qui seront... qui seront chefs de groupe. Vous devrez gérer peut-être plusieurs personnes en fonction de ce qui vous sera demandé de faire. Votre habilitation numéro 1 sera médecin dans un premier temps sur le vaisseau. Le grade numéro 2 sera l'informatique. Le grade numéro 3 sera la virologie. Et le grade numéro 4, ce sera l'exploration et la survie. Eh bien, en tout cas, voilà, Olivia, tu finis, donc voilà, tu as peut-être quelques questions à poser, mais c'est du détail, hein, c'est vraiment juste pour préciser, peaufiner les différentes affectations. Donc la personne te remercie et te te renvoie à tes quartiers ou ce que tu as envie de faire. Et donc la dernière personne qui se présente pour eh bien son entretien d'affectation n'est autre que Richard Debs, qui a passé une bonne partie de son temps à jouer au poker. Est-ce que il a gagné beaucoup? C'est-à-dire, est-ce que s'il a gagné beaucoup, est-ce que il s'est enivré de bière un petit peu alcoolisée? Ou alors il est déjà tellement bourré qu'il n'arrive plus à répondre. Non, c'est que j'ai entendu un mot sur deux. Je sais pas si tu peux répéter. Ah mince. Alors, du coup, tu as été donc tu t'es t'as été convoqué pour ton rendez-vous et savoir si comme tu as joué au poker jusqu'à ce que tu viennes là, est-ce que tu as beaucoup gagné? Et du coup, si tu as beaucoup gagné, ça t'a fait boire beaucoup de bière. Alors même si c'est des bières très légères, si tu en as eu beaucoup, ça peut t'avoir un petit peu enivré. Bah, je suis pas obligé. Si je les ai gagnés, je suis pas obligé de les boire. Ah, tu bah oui, t'es pas obligé. Je peux les mettre de côté. Ouais, c'est vrai, tu peux. Bah voilà, bah je me suis fait un petit stock de bière. D'accord, ça marche. Attends, tu fais, il va falloir deux cabines à un moment donné pour te stocker. c'est ça, ouais, c'est clairement ça. Il va cabine de stockage, ce sera plus. Il va parier la cabine de du couple d'à côté, tu sais, au poker. Je vais m'arranger pour qu'il monte pas. du coup, tu as la personne, donc c'est un homme, d'une allure assez martiale, quoi, très très carré. Il y a de fortes chances que ce soit la même personne qui a rencontré René Turquoise. Il te souhaite la bienvenue. Donc, bienvenue sur l'Esperanza 72. Vous avez fait bon voyage? Ça peut aller. Ça peut aller. Vous avez fait connaissance avec votre camarade de chambrée? Oui. Ok. Écoutez, bon bah là, c'est tout simple. Hein, je vais vous donner vos affectations et votre grade, en sachant que, encore une fois, le vaisseau, sur le vaisseau, il y a 7 grades. Qui vont de 1, le commandant, jusqu'à 7, qui est le plus bas grade sans grade. Ouais, voilà. Vous avez été nommé grade 4, donc vous pourrez être chef d'équipe. Donc c'est des... On n'a pas encore... On vous a pas encore affecté les personnes qui vous pourrez gérer. À savoir que votre affectation, donc votre première sera la maintenance. La deuxième, la construction. La troisième, la mécanique. Et bien sûr, la dernière, l'exploration et la survie. La maintenance étant essentiellement la maintenance du vaisseau, hein, des systèmes basiques de vaisseau jusqu'aux systèmes plus complexes que sont... les réacteurs, les boosters. Je vous arrête tout... Pardon. Tout de suite, moi, ma spécialité, la mécanique. Hein. Moi, je suis pour tout ce qui est la maintenance de structures métalliques, tout ça. Mais vous inquiétez pas, vous serez à même de faire tout ça. Mais nous avons besoin d'avoir des gens un peu polyvalents. Mais vous ne serez pas seul. Vous inquiétez pas, vous apprendrez aussi des choses avec les autres. Mais je pense que vous n'êtes pas mauvais dans une maintenance classique. Vous pouvez réparer ne serait-ce qu'un vulgaire radiateur, non? Oui, voilà, une ventilation, quelque chose de sommaire. Alors, bien entendu, on va pas vous envoyer dans un réacteur nucléaire. soyez rassurés. Mais... une maintenance de base, je pense que c'est tout à fait à votre hauteur. Quoi qu'il en soit, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, si je peux vous renseigner sur quelque chose ou des détails, je suis à votre écoute. Rien ? Non ? Quand est-ce qu'on a nos soldes ? Pardon. Ah oui. Ah, vos soldes ! Eh bien écoutez, une fois que l'ensemble de l'équipage sera présent sur le vaisseau, normalement, si j'ai bien noté tout ça, d'ici trois jours, l'ensemble de l'équipage sera présent. Et c'est à ce moment-là, le quatrième jour, que le commandant expliquera à l'ensemble de l'équipage comment vont se dérouler l'ensemble du voyage et de la vie à bord. Et notamment les soldes qui vous sont attribués pour les jetons de ration et habillage et tout ça. Mais bon, vous manquerez de rien. Je veux dire, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez l'avoir. Ça répond à votre question ? Oui, sinon, vous auriez pas vu ma sœur ? Mais vous êtes tous conviés de combien, là, à avoir des sœurs sur le vaisseau ? Ah non, je sais pas. Vous n'êtes pas la première personne qui me pose cette question. Comment s'appelle votre sœur ? Alors, j'ai rien... Si t'as dit quelque chose, j'ai entendu que d'accord. D'accord. Ok. Eh ben d'accord. Donc vous en avez pas besoin. Bah, écoutez, je ne chercherai pas non plus. En tout cas, j'espère que votre acclimatation va bien se passer. Et je vous dis à très bientôt. Ouais, c'est ça, à très bientôt. Oh. Bon, bah du coup, tu sors. Hein. Vous retournez chacun de votre côté dans vos cabines respectives. Jusqu'à la fin de la journée, vous faites des activités d'hôtes, hein, vous reposez ou autres. Et demain, eh bien, au moment où vous allez vous coucher, vous avez déjà les plannings de ce qui va se passer demain. Et du coup, bah, la prochaine fois, eh bien, vous pourrez affronter cette nouvelle journée. Mais pour aujourd'hui, vous fermez vos yeux et vous faites dodo.